As I set down these notes on paper, I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. Salutations à tous et bienvenue à cet autre rendez-vous de Subversion, édition du 14 juillet 2017. Je suis Sylvain Latour, alias DJ Tower of Death. Oui, de retour de vacances pour ce 89e épisode. Et comme à mon habitude, ben, sur la route, j'ai fait des prélèvements sonores de propos et confidences de toutes sortes de terriens, pour toutes sortes de raisons, sur toutes sortes de sujets. Et particulièrement le 25 juin dernier, soit au lendemain de la Saint-Jean, avait lieu cette rencontre Metal for Breakfast à Trois-Rivières, à la brasserie Archibald, pour un déjeuner avec le Rockmaster et le Lefebvre, le Dr. Pendragon, tous deux les vétérans de la radio C'est Fou, oui, la radio de l'UQTR à Trois-Rivières. Et ces grands passionnés de la musique, en tout cas, on a eu une très longue discussion. Préparez-vous un contenu verbal assez volumineux et rempli de bons souvenirs et d'expériences visuelles et sonores, tout ça. Puisqu'on va aborder plusieurs thématiques dans la même émission. Album marquant, concert mémorable, avenir de la radio traditionnelle au Québec. Également un retour sur la sortie imminente vinyle d'une compilation de démos 83-86 de la formation Outrage, dont faisaient partie justement nos deux amis Alain Lefebvre et le Dr. Pendragon. Alors, ça promet, ne manquez pas ça. Un 15e breakfast Subversion pour ce 89e épisode. Alors, transportons-nous tout de suite du côté de la brasserie Archibald à Trois-Rivières, où avait lieu cette belle rencontre avec le Rockmaster Alain Lefebvre, le Dr. Pendragon, pour ce Metal for Breakfast. Metal for Breakfast avec le Rockmaster Alain Lefebvre et le Dr. Pendragon. Priez pour ne pas survivre. Metal for Breakfast. Metal for Breakfast. Nous voilà en direct du Archibald à Trois-Rivières pour cette rencontre au sommet, ce Metal for Breakfast édition de l'été, des vacances on pourrait dire, en ce qui concerne certains terriens, dont moi-même. Et ça me fait grand plaisir parce qu'on attendait ça depuis quand même un bon bout de temps, cette rencontre avec les vétérans de C'est Fou, D'abord, le Rock Master Alain Lefebvre, au savoir du rock infini. De l'émission Rock Classique, animateur de Rock Classique depuis plus de 20 ans maintenant. Salut Alain. Bonjour. Un grand plaisir de t'accueillir à cette table. Merci. Et juste à côté de lui, son comparse de rock classique et également animateur de réanimation, vétéran, c'est fou, hein, aussi en ce qui concerne le death metal, hein, c'est sa spécialité, le death metal. Et ben, on est chanceux de le pogner, je pense, parce que souvent il joue entre son laboratoire et la morgue. C'est clair actuellement, ouais. C'est un peu dérangeant. Le Dr. Pendragon. Eh ben, bonjour, Mr. Tower of Death. Grand plaisir de participer à ce Metal for Breakfast. Puis, soit dit en passant, je veux te le dire, c'est un beau concept que tu as. Oui. Ouais, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. J'ai un petit peu volé le nom d'une compilation des années 80. C'est moins cool d'abord. Pourquoi pas en profiter justement pour rencontrer des passionnés de heavy metal, mm-hmm. Ouais. Et de rock particulièrement, pour justement appliquer le concept et en faire une réalité. Très bonne c'est idée. Ça, ouais. Aujourd'hui, en fait, on va outre la musique qu'on va faire jouer, évidemment, on va s'attarder aux thématiques que tu avais proposées, Doc. Oui. Entre autres, album marquant, mm-hmm. Concert mémorable. Qui était aussi l'idée d'Alain. Oui. Concert mémorable. Ouais. Oui. Puis, d'autres, avec Mike et Wayne Archibald, on avait fait des thématiques spécifiquement sur ça, mais on n'avait jamais englobé le tout. Faire un melting pot de tous ces topics-là dans le même. Alors, ça va être un gros défi quand même d'être capable de faire ça. Oui, mais tout avec des pros, ça va être bien. Oui, exactement. J'ai aucune inquiétude. Bref, album marquant, concert mémorable. Également, on va faire un retour sur ce qu'on avait parlé au mois d'avril. On s'était rencontrés pour le spectacle de Gorguts, mm-hmm. C'est-à-dire la réédition du vinyle des démos de Outrage. Ouais. Et puis, ça va être vers la fin de l'émission. Et également, on va discuter un peu de ce qui serait ou sera ou est le futur de la radio traditionnelle versus autre média. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, tout ça dans cette même émission. Alors, pour comme dirait Alain à son émission Rock Classique, pour se tremper dans le bain. Oui, se mettre dans le bain. Non pas des éphémérides, mais de la musique elle-même. On va y aller avec un choix de Alain. Oui. En ce qui a trait à ses albums marquants. Oui. Et tu as choisi Motorhead. Oui, No Sleep Till Hammersmith, le live de 1981. Quand le Dr. Pendragon est arrivé avec cette idée-là de... L'album le plus marquant, j'ai dit, c'est pas une trop dure ça, c'est épouvantable, parce que dans le métal, là, je voulais pas répéter, tu sais, Killers d'Iron Maiden, qui m'a beaucoup marqué, parce qu'il est dans mon top 25, alors c'est pour ça que je suis allé avec No Sleep, parce que c'est le deuxième qui m'arrive en tête, quand on parle de métal, c'est vraiment celui, c'est un album qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Un album très puissant. Tu sais, à l'époque, en 1981, c'était impossible d'imaginer quelque chose de plus extrême que Motorhead. Mm-hmm. On se disait tous, quand on était ados, il n'y a rien qui va jamais être plus élevé que Motorhead. C'est impossible. Bien sûr, quelques mois après, ben, j'ai découvert Venom, qui était déjà plus extrême. Et puis Metallica sont arrivés, quoi, 2 ans après, avec Kill 'Em All. Je me rappelle encore que quand on a entendu Kill 'Em All pour la première fois, j'étais avec le Doc, j'étais au cégep, c'est un ami qui nous a fait écouter ça dans sa voiture. Oui. Sur une c'était la compilation. Non, c'est en cassette. C'est vraiment Kill 'Em All. Il nous a fait entendre. Oui, Hit the Light. Il nous a fait entendre No Remorse, ouais. Metal Militia. Uh-huh. Et puis, écoute, on est tombé vraiment là, sur le dos là, en entendant ça. Ouais. C'est pareil comme si on avait été frappé par un train. Là. Absolument. Je vais revenir par la suite là-dessus, mais Motorhead, écoute, il n'y avait rien qui existait de plus puissant en 1981 sur Terre. Puis, surtout quand j'ai entendu Overkill qui ouvre la phase 2 du vinyle, wow! Mais honnêtement, je suis parfaitement d'accord avec lui parce que No Sleep Till Hammersmith aurait certainement fait objet d'un de mes premiers choix aussi. Alain, il a choisi le premier, mais j'acquiesce dans cette mouvance-là. C'est vraiment un album extraordinaire. Qui plus est, c'est un album en spectacle. Je pense qu'Alain et moi, on a pas mal les mêmes goûts là-dessus. C'est un album de spectacle. On n'est pas très porté là-dessus en général, parce qu'il y a beaucoup trop de... En fait, pas trop, mais pas assez de rendu à la hauteur des albums studio souvent, mm-hmm. alors que celui-là fait partie des exceptions de tout ça, un peu comme Unleashed in the Eighties. Entre autres, nommé celui-là. Ben, historiquement, puis même pour les entrevues que j'ai faites, beaucoup de monde, beaucoup de musiciens ont mentionné, soit dans le métal, principalement ou autre, les albums marquants, c'est souvent ceux qui reprennent des albums live, là, Kiss Alive 2. Tout à fait. Ça peut être Cheap Trick, Deep Purple, Made in Japan aussi, Unleashed in the Eighties, c'est vrai. Qui sonne, il est excellent. Dans ce cas-ci, Motorhead, No Sleep et Hammersmith, qui semble-t-il n'a pas été acheté à Hammersmith, contrairement aux croyances. J'ai relu ça récemment, mais c'est vrai. Mais plutôt. C'est parce que la tournée se terminait à Hammersmith. C'est pour ça qu'on disait No Sleep et Hammersmith. Mais non, t'as raison, ça peut être enregistré là. C'est à Newcastle et à Leeds que c'est enregistré. OK, d'accord. Okay. Alors, on va tout de suite avec cette pièce que tu as choisie, Overkill. Oui, Overkill. Et cet album No Sleep Till Hammersmith. La subversion, on dirait que de Trois-Rivières, sur Underground Québec Radio. Yeah! We'll be right back. Je pensais que tu détestais ce groupe-là. Non, j'aime beaucoup Exciter. Ah ouais? Bon, arrête de penser des choses qui n'existent pas, là. Puis de voir des complots partout. Moi, j'ai peut-être tendance à préférer Violence and Force. Ouais? Ouais. Hein? Mais mon préféré, ça va toujours rester Heavy Metal Maniac. Mais il est bon, il est bon. Heavy Metal Maniac. Oui, c'est ça, Alain, chante encore. Heavy Metal Maniac. Heavy. Nous venons d'entendre Overkill de ce groupe que vous reconnaissez sûrement, Motorhead. Oui, c'était de l'album No Sleep Till Hammersmith de 1981, un choix de Alain. Ouais. Oui. Mais tu sais, c'est comme le doc l'a dit, c'est quelque chose qui a eu beaucoup d'impact sur nous quand on était, ben, quand j'étais ado, parce que le docteur avait quand même 630 quelques années. parce qu'il faut savoir que le docteur a 666 ans. Oui, à jamais. Et ça a eu beaucoup d'impact sur nous, puisque on s'est mis à jouer beaucoup de Motorhead par la suite. Oui. Et même, tu sais, dans Outrage, on reconnaît, tu sais, l'influence de Montréal était indéniable. Ah oui, définitivement. Parce que c'est Outrage, c'est un mélange de Motorhead puis de Early Slayer, je dirais. Ouais. Parce qu'on va en parler plus tard, c'est un autre album qui m'a vraiment marqué beaucoup. Le premier Slayer quand il est sorti. Ouais. Parce que le premier Metallica était fantastique. Ouais. Il nous a sonné. Mais moi, c'est quand j'ai entendu le premier Slayer que j'ai vraiment accroché à une musique un peu plus extrême, puis qui nous a montré la voie à suivre. Ouais. Il nous a montré une direction. Bon, tu connais donc bien des beaux mots, toi. C'est vrai. Deux autres formations qui ont sorti des albums marquants au milieu des années 80, ça va être les choix du Doc et de moi-même. D'abord, on va entendre justement Celtic Frost et Possess. Et Slayer, comme mentionnait Alain, ses albums marquants dans le bloc suivant. Mais d'abord, Possess. Que peut-on dire de cet album The Exorcist? On se trompe souvent. Ça t'arrive-tu de dire The Exorcist au lieu de Seven Churches des fois? Non. Tellement la pièce a été marquante. Je suis obligé de te dire que non. OK, d'accord. Mais ce qu'on peut en dire, seulement c'est qu'il est rond dans une pochette carrée. Que ce soit fermé en vinyle aussi. Ouais. J'ai remarqué que ton vinyle était plus noir que l'original. Je l'ai colorie. pas le disque, mais la pochette. La pochette, oui. La pochette est... Ben, c'est une réédition. Ouais. C'est une réédition Gatefold. Donc, oui, j'imagine que le printing a été comme rehaussé. Ben, ce qu'on peut en dire, mon cher Tower, de cet album-là, en ce qui me concerne, moi, c'est le genre d'album de cette époque-là qui, à la première écoute, m'a dit « Oui, j'adore ça. Les premières notes, j'avais déjà embarqué. » Et la première écoute était spéciale. Hein? Oui, parce que c'est Johnny Hart qui était notre gérant à l'époque, avec Outrage, qui nous a emmené ça, la cassette. L'album n'était pas sorti, allait sortir quelques mois après. Il nous a emmené ça au local, on pratiquait. Il nous a fait entendre ça. On a été estomaqués. Presque autant que quand on a entendu le premier Metallica, c'est sorti. Oui. Parce qu'on n'avait jamais entendu de quoi d'aussi rapide, d'aussi extrême. Oui. On était stupéfaits. Oui. Vraiment. C'est effectivement le cas. Je m'en rappelle. Tu le racontes et j'ai une vraie, véritable vision, un souvenir, si tu veux, de la fameuse séquence. Ça commence avec l'adaptation du thème de The Exorcist, le film de Michael Field, à la sauce française, si on veut. San-franciscaine. Voilà. Et tout de suite, on embarque avec The Exorcist, la pièce qui est absolument... Aujourd'hui, je dis ça, et elle me fait encore le même effet. L'album me fait encore le même effet qu'à cette époque-là. C'est un de mes albums favoris à vie. Et justement, comme Alain vient de le dire, qu'est-ce que c'était ça pour l'époque, cette gang de cinglés-là, une gang de sauvages, sortis contre ces loups, qui se regardaient à l'envers les photos des membres du band posés à travers les flammes, au-dessus des amplis, ainsi de suite. C'est des vrais possédés, justement. Oh, oui, absolument. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je me suis dit, il y a de l'avenir avec ce groupe-là. Ouais. Et malheureusement, l'histoire a prouvé que c'est le contraire. Il n'y a pas eu d'avenir avec ce groupe-là. Parce que... C'était des kids, hein? Ouais. C'était des kids, oui. C'était des ados, qui étaient gérés par une madame, qui avait une soixantaine d'années à l'époque. Qui devait croire énormément, presque. Qui devait croire énormément au talent de ces jeunes kids-là, San Francisco, qui était, faut le dire, avec... Seven Churches, qui était très innovateur. On leur attribue à un certain niveau, comme étant un peu les précurseurs du death metal, si on veut, qui était très issu du trash, bien entendu, parce qu'on connaît énormément les racines du trash dans tout ça, mais avec une dose encore plus caustique que ce qu'on connaissait du trash metal. Et c'était... C'était sulfureux. Ça, oui, voilà le terme aussi. Donc, écoute, je peux pas dire autre chose que il y a des choses dans la vie qui nous marquent, qui restent comme le fait chaud dans la chair, et celui-là en est un pour moi. Seven Churches, c'est un album qui, pour moi, est intemporel. Il y a des choses beaucoup plus, aujourd'hui, beaucoup plus extrêmes, s'entend, mais... Il reste que je trouve que c'est encore assez actuel. Là. Ça, c'était en 86? 85. En octobre 85, 6 semaines avant le World War III. Alors, vous autres, quand vous êtes allés au World War III, vous connaissiez déjà le band? On connaissait le band, mais la plupart des gens ne le connaissaient pas. Ouais. Et je me rappelle, pour te dire comment ils étaient jeunes, les gars, ils étaient encore à l'école secondaire. Puis, ils avaient pris l'avion après les cours, le vendredi après-midi. Et ils sont venus faire le spectacle de samedi soir. Ouais. Et ils devaient être de retour le lundi matin pour retourner à l'école. C'est incroyable. Je pense que le seul qui était adulte à ce moment-là, c'était Mike Torrio, qui était peut-être un ou deux ans plus vieux. Si les autres, c'était comme... Larry Lalonde, je pense qu'il est né un mois avant moi. Alors, à 85, à l'automne 85, il avait encore 17 ans. 16-17 ans. C'est un peu comme les gars de Destruction quand ils sont venus la première fois ici. Mais contrairement à Destruction, c'était super bon. Parce que Destruction, je me rappellerai tout le temps ce que Johnny Hart avait dit quand il avait été les accueillir à l'aéroport. Il était profondément intoxiqué, les gars de Destruction. Il dit ils sont débarqués sur le tarmac. Ils sont débarqués sur le tarmac, mais ils flottaient. Il dit les premières choses qu'ils m'ont dit, c'est Where's the beer? Ah ouais. À 17 ans, là, ça a Il avait été obligé d'arrêter un dépanneur pour leur acheter de la bière. C'est incroyable. Mais c'est ça, mais avec les gens, comme l'album n'était pas connu, comme Possess n'était pas connu, les gens étaient comme stupéfaits devant la scène de ce qu'ils entendaient, de ce qu'ils voyaient. Ah oui. Mais nous, on connaissait déjà des pièces, par contre. C'est ça qui était cool. Ouais. Bref. C'était un peu, je devrais dire, c'était un peu de la magie noire d'avoir. Tu disais que ça s'est préservé dans le temps. C'est Randy Burns qui avait fait la capture du son qui avait été le pitonneux derrière la console. Et de capter cette espèce d'énergie out of control, parce qu'il était quand même un stade primaire dans leur carrière. Ça n'a pas dû être facile, la cohésion, tout ça. C'est le batteur, Mike, c'était pas un batteur aguerri à ce moment-là. À ce moment-là, ça paraît. Et néanmoins, l'atmosphère, le son de l'album. C'est sûr. Écoute. Je pense que Larry Lalonde a prouvé que c'était un très bon guitariste, un gars assez créatif. À cette époque-là, il n'était pas le guitariste qu'il est aujourd'hui. C'est l'ensemble, tu l'as bien défini, c'est l'ensemble du groupe qui fait que ça sonne comme ça. Indépendamment l'un de l'autre, c'était peut-être pas encore des musiciens extrêmement guéris à l'époque, mais contrairement à ce qu'Alain disait, Destruction, je me suis dit en passant, moi j'ai aimé une vague de Destruction, mais Destruction c'est pas mal n'importe quoi là. Tu sais, puis je me rappelle que je pense que c'est, rappelle-moi le nom du guitariste, Milly Petrosa, le creator, avait dit pour le deuxième album, on merci beaucoup Destruction, il nous a fait prendre conscience que nous autres on n'était pas tête. c'est ça, écoute. Sur leurs premiers albums, les groupes allemands n'étaient pas très bons. Creator, Destruction. Non. Sodom, c'était affreux. Le drummer arrive 3-4 mesures avant tout le monde, des fois qu'il marche pas. La première fois qu'on a écouté l'album de Sodom, c'est avec un de mes amis qui l'avait acheté, sa blonde, qui a rien. Mais c'était parce que c'était tellement pas tête, que c'était tellement. Il y avait tellement de wave c'était tellement pas timé que c'en était drôle. Ouais. En même temps, on appréciait l'audace de casser des barrières de vitesse. Ouais, puis en même temps, ça a comme ça compensait d'une certaine façon. Si on... Moi, j'étais pas tellement critique. Là. D'ailleurs, Possessed. La première fois que j'ai entendu ça, c'est sur la compilation Speed Kills volume 1. Okay. De, je pense que c'est Music for Nation qui avait sorti ça avec plein d'autres bandes, Destruction, Sodom, Name It, là. Puis juste avant d'entendre l'album, puis c'était la pièce Pentagram, qui est encore ma favorite sur l'album. Puis, moi j'avais été vraiment stupéfait d'entendre ça. Puis c'est comme wow, j'ai vraiment hâte d'entendre la suite. Et c'est devenu un album historique. Absolument. Mais malheureusement, c'est le seul album qu'ils ont fait qui valent la peine parce que At the Gates. C'est vraiment pas bon. La production est épouvantable, premièrement. Ouais. Alors, Beyond the Gates? Beyond the Gates, c'est ça. Ce que j'ai dit At the Gates, Sorry. C'est une belle. Oui, Beyond the Gates. Tout ce qu'il y avait d'intéressant sur l'album, c'était la pochette. L'espèce de gatefold frontal, là, si on veut. Ouais. Mais l'album est pas bon, les pièces sont très moyennes. Écoute, je pense qu'une pièce que je trouve vraiment intéressante sur l'album, mais la production me rebute tellement que j'écoute jamais ça. Mm-hmm. Tu vois, moi, je ne l'ai même pas gardé, cet album-là. Ben, moi, je l'ai gardé pour la pochette. Là. Parce que je trouvais ça trop mauvais, puis je me suis dit, bon, peut-être que quelqu'un va l'apprécier quelque part, alors je vais le vendre. J'ai essayé de le. Comment je peux dire? De l'imaginer beaucoup d'années plus tard, même récemment encore. Certaines bonnes pièces de Beyond the Gates, mais j'essaie d'imaginer que la production identique. J'ai essayé aussi. Puis le output de Seven Churches. Puis, ça aurait pu faire des. Peut-être, mais tu sais, je pense que les gars avaient tout donné ce qu'il y avait sur Seven Churches. Mm-hmm. C'est malheureusement le cas, peut-être trop souvent. C'est un premier album, la barre devient tellement haute que c'est difficile par la suite de refaire mieux, voire juste égal. Là, fait que là, en soi, Seven Churches, pour moi, va rester un des albums marquants à vie. Je me fais un plaisir d'en passer assez régulièrement à l'animation. Oui, c'est vrai, oui. Peut-être même redondance. Il faut dire que je fais la programmation en fonction de ce que j'aime aussi. Là. Insert Dark Angel. Oui, Insert Dark Angel. Effectivement. Quoique, c'est vrai, tu me disais sur le droit. Dark Angel, elle a pu faire office aussi des albums marquants. Absolument. C'est un album que j'adore toujours écouter. Ouais. J'ai la chance d'avoir rencontré Gene Ogden, de me l'avoir fait autographier aussi, avec une petite citation plus ou moins vulgaire. « Keep it metal ». Non, pas du tout. Non, c'est « To Doctor, shit's go down ». Excusez-moi pour ma toux allergène, bref. Bref, voilà. Alors, on va se remémorer des bons souvenirs avec dans ce bloc, avec une pièce que tu as choisie de l'album, qui est nulle autre que The Exorcist. Absolument. Ouais. Et mon côté, je suis allé avec... on a failli avoir un Black Slayer complet. Hein. Oui. Finalement, je dis, ah, il y a Celtic Frost. On n'avait pas vraiment parlé des épisodes de subversion précédentes, en ce qui a fait On Pour For Breakfast ou Album Marquant, whatever. Et puis, j'en ai mes deux copies de... Mon Big Tales. Oui. Que, quand je mentionnais hors honte tantôt, mes amis, à l'époque que je faisais de la radio à CIRC au début. Bon, oui, donc, ça nous fait croire qu'il y a des amis. Au printemps 85, mais oui, c'est vrai. Des amis. Plus que des ennemis. Bon, bref. Je me rappelle encore, j'avais une pile de vinyle en sous du bras, je m'en allais à la maison des 80 à Rouen, parce qu'il y avait la station CIRC. Mm-hmm. Et j'avais acheté le vinyle de Morbid Tales, la version avec le cover rouge, là. Oui. Qui se vendait en importation à 16,50 à ce moment-là. Mais presque en même temps, on a eu la copie Banzai à 11,50 avec deux tonnes de plus. Avec alors, mes amis, que je mentionnais tantôt, riaient de moi parce que Air Power, t'as payé 5$ de plus, t'as deux tonnes en moins. Mais. Bon, finalement, rapidement, je me suis procuré la version... Initialement, la version que tu avais était de Noise. Oui, de Noise. Donc, tu avais une meilleure qualité que Banzai. Oui, absolument. Oui. Bref, moi, je suis allé avec Visions of Mortality. Ben, c'est un excellent choix aussi. Qui va toujours rester ma favorite sur cet album-là. Et peut-être The Celtic Frost Ever. OK. C'est un autre album que... Tu sais, c'est comme première écoute, on était un peu déboussolé. J'avais entendu à l'amour auparavant. Oui. Mais quel improvement, le mot français m'échappe. Oui, non, mais écoute, amélioration. Il y avait une grande différence incroyable, dans le voir entre Hammer et Celtic Frost. Les gars s'étaient découverts finalement un certain talent. Oui. Puis ça a été, l'évolution est autant au niveau artistique, si on veut, que instrumentalement, l'exécution. Il y a eu vraiment une progression très, très rapide en ce qui les concerne. Les autres, ils devaient être, ils devaient jammer 5 soirs à semaine, 5-6 soirs à semaine dans le bunker. Non, c'est l'après-midi, vous. Peu importe, il était underground, il était dans l'obscurité. Oui, oui. Et fait anodin comme ça, peut-être qu'il y a bien des terriens qui s'en foutent éperdument, mais moi, je trouve ça weird que mon premier show métal d'importance, qui était Anvil, le 31 mai 1984, au Forum des Rouens, le même jour, Martin Ain et Tom Warrior ont conçu le concept de Celtic Frost. Ah ouais? Ils ont dessiné le logo et ils ont conçu le logo. C'était à ce moment-là que le projet Celtic Frost est né, okay, officiellement, là, avec la date et tout, le 31 mai 1984. Ah ouais. C'est quand même weird. J'essaie de me retourner en arrière, d'imaginer ça. Mais... Bref. Bonne mémoire, mon cher. Hein? T'as une bonne mémoire. Oui, c'est ce qu'on me, c'est ce que la plupart des terriens m'ont fait état depuis un bon moment. Oui, semble-t-il que c'est le cas. Bref, un autre album quand même qui dégage quand même l'atmosphère obscure et tout ça. Et qui, bref, vous connaissez la suite. Alors, on va y aller avec ces deux pièces de métal assez morbide et lugubre et obscure et intense pour cet établissement d'archival. Il y a peut-être des têtes d'orignaux qui vont tomber pendant ce temps-là. Il y a des chances qu'il y ait quelques têtes. Alors, on va tout de suite avec Celtic Frost. Visions of Mortality, mais d'abord le choix du doc. Possessed, ouais. The Exorcist. Exactement. La subversion sur le Grand Québec Radio. My mouth, take up the kill, you hit his soul. knows he must be near. He finds a long passageway lit by chandelier. Each step he takes, the perfumes change from familiar fragrance to flavor strange. A magnificent change meets his eye. Écoutez Subversion sur Underground Québec Radio. Radio. We'll be right back. Toujours en direct de cet établissement alimentaire, le Archibald de Trois-Rivières. En compagnie du Rockmaster Alain Lefebvre et le Dr. Pendragon, ces vétérans de CIFO se sont prêtés à l'exercice Metal for Breakfast, pas de la Saint-Jean, mais du lendemain de la Saint-Jean. Oui, un lendemain frais et dispo comme une rose. Oui, c'est ça quand même. Ouais. Vous êtes en très bon état, je pense. Formel est beaucoup. On vient d'entendre Possessed avec The Exorcist, un grand classique de la bande Seven Churches de 1985. Ça s'est paru sur Combat le 16 octobre, si je me m'abuse. J'ai dit 27 tantôt, mais c'est le 16 octobre 1985. Ah. Il y a un autre album marquant qui est sorti le 27 du même mois. Il y a eu tellement des 30e anniversaires depuis l'année passée. Là. Ouais, mais là, je pourrais pas te dire. Là, j'ai une meilleure mémoire des dates de sortie. Ouais, définitivement. En tout cas, comme on disait tantôt, ben, selon bien les observateurs, les précurseurs du death metal. Parce que, ouais, je pense que oui. Ouais, parce que je pense que l'ambiance d'album, de un, a fait la différence. Et de deux. La dernière pièce d'album s'appelle Death Metal. Death Metal. Et le démo 84 s'appelle Death Metal ouais. également. Par contre, il y a une chose, tu sais. Est-ce que c'est facile? On attribue souvent à Black Sabbath d'être les grands-pères du heavy, du doom. Moi, je pense que ça devient difficile à un moment donné de dire oui, c'est tel groupe qui a vraiment parti ouais, le mouvement. Tony Iommi, c'est le créateur avec un C majuscule. Oui, c'est vrai. Oui, mais... c'est parce que y a Black Sabbath ont fixé toutes les bases du métal, autant au niveau de la musique, des textes, l'image, l'esthétisme. Mais moi, je te dirais que Vanilla Fudge, dans son temps, ouais, c'était pas mal ouais, élevé. C'était très ça, élevé. Oui, Cheer, c'était très donc, élevé. Donc, je pense qu'à un moment donné, ça devient une espèce de... Je pense que ça me dérangerait. Je ferais juste payer parce qu'on change de... Ah, non, de oui, oui, absolument. Si jamais vous voulez tu commander autre chose, juste passer mes services, il n'y a pas de problème avec vous. Oui. On vous dit, on ne paye pas les autres. Ah, ça va être madame qui va payer pour les deux. Je suis un parasite. C'est une espèce de synthétisation. Ouais. Ben, Black Sabbath, à ce moment-là, tu faisais c'était un crossover un peu hard. Non, ben, tu sais, on parlait de Vanilla Fudge qui a amené, qui était. Écoute, à l'époque, Vanilla Fudge, les gens qui écoutaient ça pensaient que c'était du bruit, là, au coin de la ligne. J'ai encore des chums, là, que les autres, ils trouvent ça extrêmement bruyant encore, ouais. Vanilla Fudge. Alors c'est du bruit pour eux autres. Sabbath est arrivé, tu as eu une première démarche qui est arrivée avec les bandes comme Vanilla Fudge. Sabbath est arrivé, il y a une espèce de. Synthétisme se fait. On est parti. Pour arriver à dire. Moi, je pense que c'est comme le catalyseur. Max Rabot est un peu le catalyseur de ce mouvement-là. C'est-à-dire, c'est eux, ouais. On l'attribue à eux. Alors que c'est un processus qui avait débuté avant aussi. Ah ouais. Comme on pourrait même remonter aux Kings avec You Really Got Me. Ah oui. Avec le riff appuyé, la distorsion. Alors, tu sais, c'est pas une personne qui invente quelque chose, c'est plusieurs choses qui se passent ouais. en même temps, puis à quelque part, on se rejoint, mais ouais. je serais d'accord avec les métalleux pour dire que Black Sabbath, c'est le premier groupe typiquement métal. Ouais. Qui englobe un tout qui renferme les éléments ouais. qui composent le métal subséquent. Il faut toujours se référer à l'époque, parce que, tu sais, ouais. Led Zeppelin, en son temps, était considéré bien métal. Et c'était très élevé. Il n'y avait rien de plus élevé sur Terre. Ouais. Les gars de Sabbath écoutaient sans arrêt le premier Led Zeppelin. Ouais. Puis ça les a extrêmement influencés. C'est juste que Sabbath, eux, ont poussé le choix un peu plus loin, puis sont arrivés avec l'image macabre. Oui, ouais. Ouais, parce que le gimmick, il n'y est pas beaucoup. Ouais. Mais tout ça pour dire que, pensez-vous, est-ce que ce sont les vrais précurseurs du death metal? Possiblement, mais en même temps, je pense que ça devient le catalyseur, comme je le disais, d'un processus qui était déjà peut-être engendré, même sans que ce soit connu, soit eux. Mais disons qu'ils l'ont commercialisé de façon assez efficace. Le groupe Death, le premier album, ça ressemble pas mal. Oui, mais c'était foncièrement plus death metal à ce moment-là. C'était pas vraiment un crossover entre le thrash et le death comme process l'a été. Ouais. Tandis que là, on se posait plus de questions, surtout avec la voix de Chuck. Non. L'intention, l'imagerie, gore, c'était très gore. C'était plus campé. Oui, c'est ça. La signature était là. Ouais. Ouais, effectivement, t'as raison. Alors, tout ça pour dire que on a eu une autre chanson avant, Celtic Frost, avec Visions of Mortality. C'est la chose. De cet grand classique Morbid Tales de 1984. un autre band qui pourrait être crédité presque au même site de Possess en termes de grands facteurs influents ou catalyseurs du death metal. Ouais, avec une. Je vais mettre ça en lunettes en plus. Une vision. Merci. Avec une vision différente. Celtic Frost, c'est. J'avais l'impression que c'était les Berserkers qui arrivaient du Nord avec aucune idée d'où ils mettaient les pieds comme des conquérants. Tu sais. C'est pas mal l'image que j'en ai eue tout le temps. Oh, c'est pas vrai. après Through My Gotterian, ça s'est arrêté pas mal. Mais c'était différent, oui, mais t'avais un aspect aussi beaucoup plus lourd, beaucoup plus pesant, dark, que le death metal de Possess, pour prendre cet exemple-là. C'était plus, moi je pourrais dire, c'était plus légion. C'était imposant, c'était moins rapide par moment. Bref, je pense que Celtic Frost est définitivement aussi. On en a parlé vendredi dernier à l'émission. Ah oui. Celtic Frost, j'avais fait un gag en disant le Guitar Hero en parlant de Thomas Gabriel Fisher, comme Warrior à l'époque. C'est une blague. T'sais, on s'entend que c'est pas un Guitar Hero loin de là. Mais elle a eu un commentaire qui est très pertinent pour une fois. Non, mais ils ont défini quelque chose. Oui, oui. Ils ont vraiment défini. Oui, mais il y a le riff aussi. Le riff est tellement important. Ouais. Que tu peux pas négliger ça. Ah non, non. Quand même, ses solos sont trop proches. Tu sais, moi, personnellement, je m'attends pas à ça. Beaucoup de gâteaux à deux doigts. Essaye de reposer un solo de Tom Warrior sur cet album-là ou l'album d'après, impeccablement. Ça doit être pas évident. Là. Ben, écoute. C'est une démarche qui est vraiment unique. Oui. Même. Mais t'as raison. Le riff a son importance capitale. Ben c'est oui, c'est oui. Ce qui définit son oui, performance. Ben oui. Parce que c'est très créatif. Oui. C'est original. Oui. Mais c'était très bon spectacle aussi. Oui. Quand on joue World War III, là, c'était vraiment cool. Oui. Il y avait un bon drummer, Reed Sandmark. Oui, oui. Oui, puis Martin Ain. C'était tout un frappeur. Ah oui. Oui, c'est un vrai Bouchard. Oui, c'est un frappeur de longue balle, ça, là. Oui, oui. Il prend des gros bâtons. Oui, oui. Quasiment des balles de baseball. Oui, effectivement. On se comprend comment le drum se trouvait à ça. Tu sais, Martin Ain, il a aussi un personnage particulier, le Paul Bearer. Tu sais, qui c'est comme, wow, l'image est un autre. C'est vraiment bon. C'est un choix, mon cher Darwin. Ah, merci, mais c'est, oui, c'est un choix judicieux, je dois l'avouer. Mais sur cet album, c'est pas. C'est un nommé Stephen Priestley qui jouait. Vrai nom, Stephen Gasser, qui a joué ultérieurement sur. On peut appeler le Downfall de Celtic Frost, le Cold Lake. Cold Lake, hein. L'album d'après, puis Valentin Nemesis également. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui. J'ai réalisé ça beaucoup plus tard, mais bon, je pensais que ça valait la peine de le mentionner. Oui, absolument. Et on dit ici que le premier pressing de cet album-là, il y avait un sticker qui mentionnait inclus des membres, des ex-membres de Hellhammer sur un vinyle noir. C'est comme ça. C'était étrange. C'est pas ça qui est marqué ici. J'avais déjà eu le sticker. Ex-Hammer Members. Ouais, OK. On Black Vinyl, c'est ça? Je vais te dire. Include Booster Limited Edition in Black Vinyl. OK. Bon. Deux choses étranges. Premièrement, on black vinyl, on s'entend-tu que les vinyles, t'as pas mal tout noir dans ce moment-là. Deuxièmement, j'ai jamais vu ce poster-là. Il était pas inclus. J'ai payé 16,50 mais comme 6 pièces. Pas de poster. Que mes chums à Rouen, mon Tower, c'est fait fourré. Ben, tu peux doublement fourré parce que le poster était pas dedans. Mais les importations dans ce temps-là n'arrivaient pas enveloppées. Hein. Il n'y avait pas de plastique. Il n'y avait pas de qui pouvait partir avec. Ben, c'est ça qui est arrivé probablement. Parce que le plastique que tu vois là, c'est vraiment comme ça que j'ai dit. Ouais, on pouvait sortir le disque. Ben oui, ben oui. C'était con, ça. Oui, c'était con. Il y a eu un texture disc également que je n'ai jamais vu qui a été tiré à 200 copies apparemment. De Morbid Tales? Ah non, je ne sais pas. Moi, j'ai la picture disc de Tommy Gotterian. Je trouve ça poche, vois ça. Hein, tu n'as pas de pochette, tu as juste la picture disc. Ouais, j'aime pas tellement les pictures. Il y avait juste ça qui était disponible quand je l'avais acheté. Mais bon. Que voulez-vous? Ben, c'est ça. Ben, plein de choses. Il est l'heure que vous voulez sur le stream d'Underground Québec. Écoutez Subversion. Nous, on est sur l'heure du midi en direct du Archibald de Trois-Rivières. Vous servez d'excellents déjeuners en passant. Oui, c'est bon. Bien apprécié. Sur une excellente musique. Oui, une excellente musique tantôt qui ressemblait à du Respectables, mais sûrement moins mauvais. Mais non, mais hey, La fucking joke. En tout cas, je vais y revenir avec ça. Je suis en train de planifier un montage qui a rapport avec ça. Non, j'ai pas vu. Un peu tes têtes de turc. Exactement. Comme toi avec Juliette Huot. Non, mais moi j'adore Juliette Huot, au contraire. Oh, oui, bien comme une exception. Elle avait, à l'époque de Saint-Henri, elle avait une garde-robe absolument extraordinaire qui était très criarde. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde que 50 ans plus tard, il peut, 50 ans plus tard, peut me redonner le goût de retourner chez Dominion. Non, mais c'est vrai. Effectivement. Hey, c'est que c'est bien passé. Bon. Bref. Trois pièces tout à fait sanglantes, je dirais, et tout aussi maléfiques, proposées ici dans ce deuxième bloc, album Mark 4. Uh-huh. Atrocity, les Allemands, ouais. Avec un album qui m'a beaucoup marqué. Également deux pièces issues de deux albums marquants de Slayer également, respectivement les choix du Doc et de Alain. Je vous parle de... Non, parle-moi donc, Doc. Non. Alain, excuse-moi. Oui. Alain, à propos de cet album Chez moi aussi qui apparaît à la fin 1983 et oui. Par après sur 1984. Moi, je l'ai connu en 84. Oui. Et tu sais, il y a des journées comme ça qu'on n'oublie jamais, qui nous marquent dans une vie. Et à cette époque-là, encore en 1984, il n'y a pas grand-chose qui existait vraiment. Il n'y avait pas une richesse dans le métal comme... On a vu par la suite, 2-3 ans plus tard. Et puis, on aimait plein de trucs différents, éclectiques. Et dont Motley Crue. J'aimais Motley Crue. Le deuxième album particulièrement. Moins le premier, qui était un peu cheapo. Mais le deuxième, je trouvais bon. Et Motley Crue sont venus à Montréal, au l'Auditorium de Verdun. Oui, c'est vrai. Et puis, à peu près tout le monde, tous mes amis, tout le monde sont allés voir ce show-là. Hein? Et avant le show, on était allés voir Motley Crue au Rock and Stock, c'était les autographes, mais il y avait tellement de monde qu'on a décidé de s'en aller directement à Verdun parce qu'il y avait trop de monde. Ouais. Eric Crescent était plein de choses. Rock Café. Même pas circulé là, c'était pacté de monde. Ah, ouais. Alors, on s'est en allé à Verdun, directement à Verdun, où on a fait un petit pique-nique métal. Hein? Toutes les poilus, toutes les monde que je connaissais étaient sur le terrain avec de la bière. On prenait un coup. C'était vraiment un beau pique-nique. Et à un moment donné, on essaie de se mettre à l'ombre et on s'en va à côté d'une gang qu'on connaît pas. Ils ont un ghetto blaster. Et puis, il y a quelque chose qui joue et je trouve ça fantastique. Vraiment très, très bon. Là. C'est loin de Motley Crue, là. C'est vraiment excellent. Puis là, je demande au gars, « C'est quoi ça? » Là, il me dit, « C'est Slayer. » Ça venait de sortir. Là. Ça faisait pas longtemps que c'était chez Rock and Stock. Et puis là, j'entends ça. « Evil Has No Boundaries, Antichrist, Face the Slayer. » J'entends tout ça. Puis là, je fais, « Wow! » C'est la meilleure chose que j'ai vraiment entendue, du moins depuis plusieurs années. Ouais. Et j'ai vraiment accroché. Et comme on était le samedi, puis qu'on devait être 5 heures l'après-midi, je me disais, oh, c'est plat. Je pourrais pas aller acheter cet album. J'ai recassé ça avant la semaine prochaine. Parce que les magasins étaient fermés à l'époque, le dimanche. Hein. Ouais, alors, j'étais là, ah non, je pourrais pas avoir ça avant la semaine prochaine. Mais j'ai vraiment accroché. Je suis devenu un fan de Slayer dès le premier album. Ouais. Quelques mois après, ils ont sorti le Maxi Hunting the Chapel. Et ils sont venus à Montréal et j'étais là. C'est les gars, il fallait qu'ils veuillent. Hein. Ils sont montés à 5 de la Californie dans un Camaro. Oui. Je sais pas si c'était le Camaro à Tamaraya. Ouais. Oui. Je sais pas si c'était déjà embarqué là, sur le banc derrière d'une Camaro. Non, c'est la bosse de la transmission. Six balles. Hein? Les 5 dans un Camaro partir de la Californie s'en allant à Montréal. Ah, ouais. En une demi-heure. Ils sont venus dans les shows. C'était. Écoute, c'est le. Le spectacle le plus fort que j'ai entendu de ma vie après Kiss. Même Motorhead? Oui. C'était tellement fort, là. C'était incroyable. Incroyable. Ben, moi, c'est Motorhead. Ouais. On l'a parlé tantôt. Oui, c'est ça. Ben, non, le plus fort là, que j'ai entendu, là, qui m'a bouché les oreilles pendant 3 jours, là, c'est Kiss au Forum, la tournée Revenge. J'ai vraiment entendu quoi d'aussi aussi fort de toute mes vies. Je peux me permettre 30 secondes. J'ai eu la même impression que toi quand j'ai entendu la première fois. Il y avait un magazine américain qui s'appelait Cream Close Up. Ouais, il avait fait un spécial importation. Il y avait Twisted Sister des groupes émergents comme ça, Exciter, ouais. Savatage, c'est le Hyper Sirens, tout ça. Il y a beaucoup d'autres formations comme ça, Battle Axe, Paquet, Entrepreneur Nommé jusqu'à demain, Oz. Et là, Slayer, avec une photo très provocante, c'est une photo de... À l'époque où il y avait du make-up. Oui, exactement. Ouais. Avec l'espèce de vierge sur le halter, ils sont tous en sang. C'est cette photo-là que je vois, Slayer. Mais il y avait deux Slayer, celui de San Antonio, Texas. Ouais. Il avait sorti l'album Prepare to Die, je pense que c'était un EP. Mm-hmm. Pas mal dans les mêmes temps, et les journalistes, des fois, qu'est-ce que tu peux faire de voir ça? Ils comparaient les deux albums. Ça se ressemble pas mal, mais les deux styles, c'est pas pareil. Puis là, ça reste sur la glace de même. Donc, en mai 84, OK, polyvalent d'Iberville. Et là, il y a un gars qui fait des discos mobiles que je connais bien, Richard Bélanger. Il achète l'album, lui. On ne connaît pas ce gars-là. Mais il connaît un de mes autres chums. Puis lui, il amène ça. Il amène la cassette. C'est marqué Slayer sur Mercy. Je savais c'était quoi. Je dis ça, je peux-tu en l'avoir? Oui, tu me la rapportes demain. Oui, oui. Hey, j'écoute ça. C'est super mal enregistré. Les hautes fréquences, c'est super mal. Mais j'étais complètement blasté, là. Blasté dans mon ghetto blaster Toshiba de l'époque, mais c'était complètement... comment trouver des mots? Blowé, explosé. Il reste un fait, c'est que moi, ce qui m'avait séduit particulièrement, parce que tu sais que je suis un fan, un gros fan des Belandais, de la New Wave of British Heavy Metal, il y avait un côté de Slayer dans le temps de Show No Mercy qui était encore heavy metal, tu sais, qui faisait un peu Iron Maiden, peu Priest, là, si t'écoutes Face of Slayer, entre autres, c'est évident. Oui. Mais c'était plus que, tu sais, c'était comme du metal anglais, mais boosté vraiment aux stéroïdes. Ça donnait même l'impression que c'était un peu comme Screaming for Vengeance au 45 tours. Oui. Un peu. Avec un petit peu plus de distorsion. L'autre d'après, c'est quoi déjà? Defenders of the Faith. Oui, ouais. Defenders of the Faith. Ouais. On essaiera à un moment donné. Note à moi-même pour subversion, Defenders of the Faith au 45. Faire un comparatif. Mais tu vois, à ce moment-là, là, Outrage existait. Okay. Ça faisait pas longtemps qu'on jouait ensemble. Et puis quand j'ai entendu Show No Mercy, j'ai fait comme « Ah, c'est vrai, ça, pour qu'on s'en aille. Ouais. » Pour qu'on s'en aille dans cette direction-là. Et puis, on a beaucoup changé parce que au début, Outrage, là, on jouait plein de trucs vraiment étranges. On jouait du Motorhead. On jouait une tonne. Beaucoup de Motorhead. Motorhead, évidemment. Tout de suite après, on pouvait jouer une pièce de Kick-Ass. Oui. Heavy Metal Shuffle. Je me rappelle pas. Non. Non, on a déjà fait du Helix. Helix, ça, c'est ça, je me trompe. Une cochonnerie du genre. Oui. Mais tu sais, on jouait dans les clubs aussi. C'était un peu nécessaire de faire des pièces grand public. Mais à partir du moment où, j'ai entendu Show No Mercy, là, on s'est en allé vers le thrash. Là. Ce qu'on appelait à l'époque du speed metal. Tu sais, en passant, par rapport aux photos, lorsque Slayer se mettait du make-up, lorsque je suis allé les voir, là, je me demandais s'il était pour avoir le make-up. Il l'avait pas. Non, il l'avait pas. Mais là, t'es là. Ouais. Il va-tu avoir le make-up? Sûrement, les gens vont sûrement. Puis là, le show commence, c'est garé par le make-up. Oh, puis de make-up. Il avait perdu leur commandite de former Billy. Oui, sûrement. Ou bien non, c'est pas le Baloff qui les a convaincus avec violence. Peut-être. Lesson in violence de vous dire OK, vous avez de Los Angeles, enlevez le make-up parce que là, vous êtes à San Francisco Bay Area. Vous pouvez faire des shows avec nous autres. Là, c'est vrai. Là. Mais pas de make-up. C'est la gang d'Exodus qui ont. Dans le fond, cette gang-là, là, qui ont. Au Waldorf, je ne sais pas trop les établissements, The Stone, whatever, ils ont convaincu, enlever ça, ce maquillage-là, si vous jouez avec nous autres, on est des hardcore. Ben oui. Peut-être en d'autres mots, mais. J'ai lu ça il n'y a pas longtemps. C'était Mais pourtant, ils prenaient juste où c'était des. Ils prenaient ce que Kiss faisait, mais en même temps, ils étaient les précurseurs du corpse paint qu'on a retrouvé dans le black metal quelques années plus tard. C'est peut-être des restants d'Alice Cooper. Ouais. Et toi, Doc, t'as pas pu résister comme moi non plus. J'ai résisté à passer une pièce de The Waste, mais je me suis dit, bon, on va donner une chance à Celtic Frost. Mais toi, avec Ring and Blood, tu t'es dit, tu peux pas passer à côté. Ben, j'aurais pu. J'aurais pu parce que les choix-là sont difficiles, puis j'en avais quand même sélectionné 4-5 là, que je voulais éliminer là, dans ça, là, mais tu sais, difficilement. Sauf que je me suis dit à un moment donné, Slayer, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui. C'était même une religion. C'est inévitable. Ouais, je sais. Oui. Bon, moi, contrairement à vous autres, j'ai pris un bon album pour celui-là. Je t'ai choisi évidemment le troisième qui est Rain Blood, qui pour moi a été. Le sommet. Ouais. Absolument. Je dis pas par là que les Show No Mercy ou la EP en tête de Chapel n'a pas été marquant pour moi, mais Raining Blood l'était encore beaucoup plus. Et encore aujourd'hui, je suis d'accord pour dire avec plusieurs amateurs de métal, chroniqueurs, analystes musicaux, que Raining Blood est probablement le meilleur album de métal de tous les temps, encore aujourd'hui, j'en suis convaincu. J'ai choisi, en fait, c'est un doublé, si on veut, parce que je les trouve indissociables l'une de l'autre. Soit Postmortem et la pièce Running Blood. C'est un choix tout à fait judicieux dans le contexte qu'on est en train de parler, évidemment. Et, ouais, fait incroyable. L'album est sorti le même jour que les funérailles de Cliff Burton. Et le même jour que j'ai commencé à jouer la guitare électrique. T'es sérieux? Ça donne le même. J'ai réussi beaucoup plus tard. Mais comment il fait ça pour avoir ces dates-là en tête? Hein? C'est de la sorcellerie. Ouais, je suis ensorcelé. Mais nous n'avons pas tous déjà été par ces formations et ces demi-dieux. Hein? Lenny, Tom Walker, Chuck Becerra, Tom Hagen. Ben oui. Alors, allons-y en musique avec ces formations. Non, c'est pas vrai. Faut que je parle d'Atrocity. Ah oui, facile d'y aller rapidement. Oui, Atrocity, oui. Une des seules pièces des années 90. Hein, oui, c'est vrai. Aujourd'hui. Oui. Oui, ces Allemands qui ont pondu. J'ai déjà dit que c'était le meilleur album de death metal de tous les temps. Ça, c'est bien, bien, bien difficile à valider, ça, et à convaincre autrui de ce fait. Je te dirais que il y avait un gros boss du Cannibal Corpse en temps, les TS, avec raison. On peut en nommer plein. Les Entombed Dismember, Sinister, que j'ai beaucoup aimé. Name it. Mais il y a un groupe allemand du nom de Atrocity qui avait leur deuxième album. Ils ont sorti un album vraiment. Il s'appelle Longing for Death, en fait, pour nous, mais c'est Todd Essensucht, intégralement parlant. Mm-hmm. J'avais un gros buzz sur Napalm Death à l'époque aussi. Et à l'instar de bien des formations sur Roadrunner, il y avait un son particulier, son guitare, percussion, Gorgos aussi, tu sais, le Morris Sound. Oui, le son du rock. Ouais. Atrocity avait ça également, mais. Ils ont amené ça à un autre niveau, au niveau des atmosphères, beaucoup plus dark, plus travaillé, au niveau des idées, les riffs, les changements de tempo, les arrangements finalement. Mm-hmm. Et puis, je vous en reparle plus longuement après avoir écouté cette pièce d'Atrocity, Triumph at Dawn de cet album. Veuillez procéder, mon seigneur. Mais d'abord les deux pièces de Slayer, Postmortem, Ringing Blood, Chouette du Doc. Et Evil Has No Boundaries, pièce d'ouverture de ce grand classique, Show No Mercy également, choix d'Alain. Par ce groupe légendaire, Slayer, Subversion, sur The Grand Québec Radio. Yeah! Tonight, we take down the world with hatred and style. They have the reason we fight. Wanting to die is a reason to live. New life. la gang est là. Mais pour l'avoir si bien, curieux, médaillé, cravaté, vulgaire et grossier. Vous écoutez Subversion sur Underground Québec Radio. Croyez-moi, vous faites partie d'aucune élite et surtout pas une élite intellectuelle. Toute la rapace est là. Ils barreront la finale du roi de la pizza congelée. Oh, Great moment, intelligence, German forever. Moses, I don't hear your speech. Just an affair, please call the phone. Spirit of man, forced over mind. Québec Rock, 1980 à 89, le meilleur du rock québécois. 16 grands succès réunis sur un seul album. Québec Rock, la seule compilation pour toi, amateur de rock. Québec Rock, 1980 à 89, encore du rock. En vente partout. Québec Rock, la seule compilation pour toi, amateur de rock. Également disponible, Québec Rock, 1990 à 99. Le meilleur du rock québécois des deux dernières décennies. Québec Rock, la seule compilation pour toi, amateur de rock. 1980 à 89, encore du rock. Québec Rock, en vente partout. Vous êtes toujours sur Subversion de Grand Québec. On vient d'entendre trois choix respectivement de ces trois comparses ici. C'est-à-dire notre ami DJ Tower of Death, la formation Atrocity et la pièce Triumph Up Down. Tirée de. Je te laisse prononcer le nom de. Todesensucht. Merci. Il y a longtemps je peux pratiquer l'allemand. L'album de 92, si tu veux en dire quelques mots, mon cher. Oui, j'ai eu le plaisir d'y voir live en 2005 la première fois. Ah oui? Automne 2005, c'était mémorable pour moi. J'ai déménagé dans le coin. Je suis parti de l'Abitibi au printemps. Et on arrive à l'automne 2005 et pour la première fois, je vois deux des bandes préférées des années 90 dans le même mois. Aux alentours de mon anniversaire, Meshuga et Frost City au Fourth Monétique. Ah, ouais. On sait qu'ils ont eu différents accords de conduite, ils ont fait toutes sortes de choses, ils ont essayé Symphonic Metal, ils ont fait un petit côté industriel également. Oui. Ils ont fait un album de cover très discutable de groupe synth-pop ou alternatif ou whatever, des années 80. De chercher un peu. Oui, un peu. Un peu pas mal, oui, mais bref, c'était très cool de voir ces gars-là, Alex Croix, Alain Cipietro, avec sa conjointe Liv Christine, qui faisait des vagues vocales. Oui. Parce que le band était venu avec son band, Liv's Eyes. Liv's Eyes, oui. Bref, un grand classique du death metal, selon moi, qui est très sous-estimé, à mon avis. C'est pareil sur Roadburner à l'époque. Quelle date que c'est, en février probablement. Oh, bonne question. En septembre 1922. En fait, il est sorti deux jours avant le fameux show à Montréal qui a eu le Campaign for Musical Destruction Tour avec Napalm Death, Carcass, Little Truth et Cathedral. Ah ouais, je me rappelle pas. À la brique, jour historique. Cet album est sorti deux jours avant. Je suis plus situé dans l'espace. D'accord. Ouais. Et puis, ouais. Puis c'est les deux précédentes pièces. Ben en fait, un de mes choix qui était The Slayer, tiré de l'album qui est paru en octobre 86 sur Raining Blood, le troisième de la formation américaine. Album très très très marquant pour, je pense, l'unanimité des amateurs de métal, ou en fait, c'est pas le cas, c'est parce qu'ils sont tous des incultes. Soit les pièces Postmortem qui est jointe avec la pièce Raining Blood. Pas la pièce type Raining Blood, il y a un jeu de mots, c'est Raining Blood. Je pense que c'est. En fait, ils sont indissociables les uns l'une avec l'autre, mais je pense que c'est une excellente clôture d'album comme choix, comme thématique. C'est vraiment très, très fort et très puissant. Le pacing de cet album-là, l'ordre des chansons, c'est parfait. Album très court, 30 minutes. Ouais, c'est ça, mais. 25. 26. Je pense que c'est 28. 20, c'est un peu plus, mais ça, ouais, c'est ça. C'est 28 minutes quelque chose. En tout cas, entre 25 et 30, entendons-nous. Le très court, mais tellement intense. Ouais. Ça dit ce que ça a à dire, ni plus ni moins, c'est parfait. Il fitait tout sur un bord de cassette en passant. Je me rappelle pas. On verra la cassette de bord, il fitait deuxième fois. Ah, ben oui, quand ça prend des minutes. Les parties faisaient tout ça. Ben oui, c'est vrai. Ben, ceux que j'ai vu. Oui. Ceux que tu as vu ou ceux que tu te rappelles? Ceux que j'ai entendu. Des fois, je t'en en pièce à côté parce qu'il y en a qui se passaient le. Tu savais quoi? Non. Ça faisait le tour. On aimerait que tu dises qu'est-ce de quoi tu parles. Il y en a qui on écoute la troisième et il y en a qui disent on écoute la onzième de Slayer, la onzième cassette. De quoi tu parles? Lui, il y avait déjà plusieurs cigarettes suspicions derrière la cravate. C'est ce qu'on appelle le tabac du diable. Chose intéressante avec cet album-là, c'est que. À l'époque, on venait de franchir la mi-80. Oui. Il y avait énormément, et passez-moi le mot, énormément d'enregistrements exécrables. Oui. C'était vraiment parfois le. On ne savait pas comment enregistrer ça. Non. Et celui-là sortait du lot. Mm. Il sortait du lot. Définitivement, si on compare avec un enregistrement d'aujourd'hui, on s'attend qu'il ne sonne pas. Mais par contre, si on compare avec les pommes, il sonnait. Oui, il sonnait bien. C'était vraiment. Tu tapais un album de Venom, Welcome to Hell, puis après tu écoutais Rain Blood, tu disais ouf, là, je commence à avoir un peu moins mal aux oreilles. Ouais, c'est parce que Venom jouait dans une caverne en comparaison. Rick Rubin a amené le côté dry. Là, à ce moment-là, il s'est aperçu qu'il avait un band vraiment en tête. Oui. Il avait pris de l'expérience en venir de ça. Il n'aurait pas pu faire ça avec Possessed, on s'en fait au début. Non. Parce que le reverb, oui, ça ajoutait au côté c'est l'atmosphère. L'atmosphère, dimension, côté, ça couvrait aussi. Oui, absolument. Ça couvre beaucoup. Cette hein, dimension les caverneuse. Oui. Ben oui, voilà, ça s'explique. En tout cas, bref. C'est un croissant. Et le choix d'Alain, Alain, je te laisse en faire la demande. Ben, oui, c'était Evil Has No Boundaries, tiré du premier album de Slayer, Show No Mercy. Parfaitement conscient que c'est vraiment pas le meilleur de Slayer, mais moi je les ai connus avec ça. Et puis j'ai vraiment accroché tout de suite. J'aimais encore plus Hello Waits. Hello Waits qui était un petit peu plus progressif, hein, les pièces plus longues, sonnait un petit peu mieux aussi. Non, il n'y a pas de keyboards, docteur, là-dedans. Évidemment, leur chef-d'œuvre, leur apogée, ils l'entraînent avec Raining Blood. Oui, oui. Il n'y avait pas un sampler, en quelque part, genre du bicycle à gaz dans... Oh non, excusez-moi. Hey, je suis complètement... Oh my God! J'ai un flashback, vous savez, vous connaissez pour les montages. Je me suis amusé une fois à CIRC. Il devait être 5h30 d'après-midi. J'ai envoyé, pas Nécrophiliac, Praise of Death. Okay. D'ailleurs, c'est la pièce que j'aurais choisi probablement pour vous faire passer aujourd'hui si on avait choisi le nom de The Waste. Et juste avant, j'avais fait jouer l'album de Warhead, un groupe de Belges. Oui, je me rappelle de ça. J'avais joué la pièce Speedway, qui était vraiment la pièce, une des deux pièces très, très... Il y avait Attack of the Shark, puis il y avait Speedway, la pièce. Ouais. Et au début de Speedway, il y avait un intro de Bicycle à gaz. Et j'ai mixé ça dans juste avant le Haunting and... Il y a une part, ça, dans... au milieu de la toune, en tout cas, tout de suite après le solo, il y a une espèce de feedback, un genre de fade-out en feedback de lead guitar. Là, tu parles de laquelle pièce, là? De Praise of Death. Ah, de Praise of Death. Ouais, okay. Puis j'avais mis ça, mais c'était grâce. C'est pour ça que je m'en allais dire. Que, non, il n'y a pas de keyboard, il n'y a pas un sampler à quelque part. En tout cas, parenthèse, peut-être qu'on ne le mettra pas sur le show. Non, pas. Ça me fait penser que, tu sais, j'étais un autre album qui m'a beaucoup marqué, là, dans influencé en tant que musicien dans ma jeunesse, ma prime jeunesse, c'est Black Metal de Venom. Et au début de la pièce Black Metal, on entend un son que je trouvais très particulier, comme des chaînes qu'on traîne par terre. J'avais aucune idée de ce que c'était. Plusieurs années plus tard, j'ai appris que c'était une scie à chaînes. C'est une scie à chaînes qu'on entend. L'enregistrement est tellement mauvais qu'on n'est pas capable de discerner quelle pièce de la télé. C'est une scie à chaîne. Hey, ça te parle que ça prouve que le thé qui était bon. C'était une John Deere ou une Nos Verna. Ça devait être une John Down, celle-là. John Down. Tu sais que moi, John Peel, peut-être. Ben, un album que j'aurais pu choisir, un album marquant, ça aurait été définitivement Voivod et leur deuxième War. C'est sûr que cet album-là, encore aujourd'hui, c'est mon meilleur de la discographie. Ouais. Mais tu sais, on aurait pu passer une semaine à faire un Metal for Breakfast, mais on aurait déjeuné souvent, hein? Oui. Il aurait toujours fermé leur chibal de me laisser là avec le janitor. Fait que c'était pas mal ça, nos choix, hein? Mm-hmm. Oui. Que d'albums marquants dans cette décennie. Ah oui. Avant de passer au bel sujet qui va être concert mémorable, on va prendre un petit peu de temps pour discuter d'un topic que le doc avait amené par email. Manifestation du DJ ici, identification de l'artiste. C'est un phénomène de possession, ça. Artie Guard Brooks. Un phénomène de possession. Ouais, j'espère que ton enregistreuse capte pour ça. On va le capter quand même. Oh, c'est triste. Le contraste, des fois, c'est intéressant. Le contraste peut être intéressant. En 2007, j'avais interviewé le clomé d'un restaurant. Il y avait une pièce de rock voisine qui jouait, puis je trouvais ça très, très drôle. Oui, c'est une parenthèse. C'est paradoxal. J'ai le temps de la revue arsenic. Ben, vous êtes tous deux encore des artisans de la radio traditionnelle, et ça depuis longtemps. Alain, depuis 1996, si je ne me trompe pas, avec Rock Classique. Le doc de réanimation, ça fait au moins 16 ans. Facile. Et tu avais co-animé avant ça avec un autre personne. Ouais, environ 3 mois. Ouais. Ok. Ouais. On parle quasiment d'une quarantaine d'années d'expérience en ondes, vous deux. Ouais, facilement. Et vous êtes ensemble avec Rock Classique en passant tous les vendredis, assez fou. Ben, moi, depuis une certaine séquence, c'est tous les deux semaines. Tous les deux semaines, c'est pas vrai. Parce que c'est dur d'endurer 6 heures à tous les 7. Je peux un break me remettre mentalement. Non, oui, c'est ça. Ça fait quoi? 2-3 ans? Je sais pas. Deux genres. Et puis, il n'y a pas super longtemps, mais c'était vraiment les débuts de Subversion, les 15-20 premières semaines. J'avais fait une édition qui soulignait le travail des survivants de la radio traditionnelle métal au Québec. Ceux qui avaient plus de 500 émissions ou au moins une quinzaine d'années d'expérience à la barre de la même émission. On parle de Simon Gérard, Bourreau Métallique, Christine Fortier, au Grimoire du Métal, Jean-Pierre Grenier, Wave 80 à Québec, et vous deux. Et puis, c'est vrai que ça avait été une bonne émission. J'avais beaucoup aimé travailler là-dessus. Cool, là. Et ça faisait longtemps que je voulais souligner d'une certaine façon le travail que ces gens-là, que vous faites sur les ondes, et qui est parfois un peu sous-estimé, tu sais, avec les changements de médias, tout ça, l'avènement d'Internet, tout ça, puis aussi la part de marché, comme Alain avait déjà dit, que c'est fou, mettons, dans la région de Trois-Rivières ou en Mauricie, qui est un minime pourcentage, on compare avec les autres radios commerciales. Ouais. Mais il y a aussi le clash avec les médias nouveaux qui offrent du contenu. Il y a du monde qui écoute du streaming en continu. Des fois, le monde sont paresseux un petit peu. Ils peuvent passer à côté de certains formats d'émissions qui pourraient leur apprendre quelque chose. Ou les informer de quelque chose parce qu'ils ne connaissent pas le produit. Je prends l'exemple justement d'Alain avec Rock Classique. Moi, quand j'ai découvert Rock Classique en 2013, à peu près en passant, moi, j'ai été stupéfait de voir la quantité de contenu, le côté historique. Là. Bon, mais il y en invente beaucoup. Hein. Oui, il y en a peut-être, mais. Mais ça rentre bien quand même. Je pense pas d'avoir jamais autant appris dans l'intérieur d'une même émission de 6 heures. Et moi, qui peux affirmer facilement, j'en ai écouté environ 400 épisodes qui sont disponibles en ligne, soit sur rocklassique.net ou même sur archive.org. Je vous dirais que je suis devenu complètement assidu. Et justement, je trouve que j'avais déjà dit sur vos ondes au micro lorsque vous m'aviez invité. Je me suis adressé aux auditeurs directement qui s'intonisaient en quelque part sur la 40 dans ce coin-là. Vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes chanceux, les auditeurs de Trois-Rivières environ, d'avoir non seulement une station de radio comme ça qui supporte différents formats de musique, mais d'avoir une émission comme Rock Classique qui englobe tout ça, toutes les chroniques que vous faites et tout ça. Je tiens à vous féliciter encore une fois. Je vais avoir l'air un peu têteux, là, mais je vais dire, je ne peux pas m'en empêcher. Je peux pas m'empêcher de souligner le travail. Merci. Alors, c'est très apprécié. Très gentil. C'est un peu avec ce genre de commentaires-là qu'on a dû continuer. Ben oui, absolument. Mais tu sais une chose, quand faire la radio dite traditionnelle, au départ, dans le format où on l'a fait ensemble ou respectivement selon le cas, c'est pas une question de rechercher de la diffusion, c'est une question de s'ouvrir une passion, de s'ouvrir un plaisir. Je pense pas que. Je ne vais pas parler pour lui, mais je pense qu'il va être d'accord, Alain. Je crois vraiment pas que les émissions. On fait ensemble, on fait séparément, sont dans le but d'aller conquérir un auditoire ou d'aller faire, ça a l'air un peu égoïste, mais ne serait-ce que faire plaisir à quelqu'un. Ouais. C'est un trip qu'on a de partager ce qu'on aime. Ouais. De partager ce qu'on aime en commun ou encore là, indépendamment l'un de l'autre, et d'être capable de pouvoir en amener quelques informations qu'on juge étant pertinentes, qui accompagnent la présentation dite musicale du choix de l'heure. Mais c'est pas dans le but, parce qu'on le sait, on est conscient de ça. Écoute, tous les médias informatisés électroniques aujourd'hui, tu l'as bien synthétisé tout à l'heure, les gens ont une facilité, disponibilité au bout des doigts d'aller chercher la musique mondialement à partir de simples sélections, sans avoir à payer à peu près rien autre qu'un abonnement de base mensuel. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais? Je suis mal placé pour le juger. Je peux juste dire que si ça a un effet exposure pour les artistes, tant mieux. Mais on s'entend que la musique, on n'en vit plus. Et les radios n'en vivent plus aussi bien non plus, définitivement pas. Le niveau de radio qu'on fait, nous autres, les titres communautaires, qu'en plus, c'est du bénévolat, ça met encore plus le souligner sur le mot passion à ce moment-là. Tu sais, rien ne se crie, rien ne se perd, et c'est une chose à laquelle je crois énormément, parce que, rappelons-nous tous, quand les CD sont arrivés sur le marché, c'était pour révolutionner, hors de tout doute, toute l'industrie musicale au niveau de ce format-là. Ça devait être indestructible, viable dans le temps, ad vitam aeternam, et surpasser les qualités audio et sonore de tout ce qui s'était fait. Aujourd'hui, ils ont plus de vinyles qui se vendent CD. Oui. Puis, tu vois, c'est pour ça que je te dis, rien ne s'acquiert, rien ne s'apparaît. Je pense que l'être humain en tant que tel, oui, vas-y. Est-ce qu'on n'aurait pas cru possible, d'ailleurs, à l'époque de Cold Lake? Non, effectivement. Oui, petit insert. Mais l'être humain... Parce que le CD commençait à envahir le marché à ce moment-là. Ben oui. Quand Impact is Imminent d'Exodus est arrivé, curieusement, les CD, les vinyles ont commencé à disparaître, nous autres. Mais ils ont disparu, effectivement. Ils ont disparu pratiquement définitivement. En fait, ils ont disparu de façon substantielle ou même plus. Pendant une bonne 10-15 ans. Là, ouais. 10-15 ans. Oui. Mais tu sais, comme je disais, c'est que l'être humain étant ce qu'il est, ouais, il revient toujours en arrière, d'une certaine façon, pour généralement, pas aller parce que c'est pas un gars de nostalgie, mais revenir à ce qu'il a été ou ce qu'il a aimé ou aurait pu aimer. J'irai peut-être pas là jusqu'au cassette 8 pistes, là, mais il y a encore. Alain étant directeur de la programmation, c'est fou, il reçoit énormément de trucs en promotion, mais il reçoit encore des trucs en cassette. Oui, oh, oui. Il y a vraiment une chouette en cassette. Oui. Je m'en ai mentionné d'ailleurs qu'Alain était directeur de programmation à l'instant. Je l'avais oublié, monsieur. Grâce à lui, ils sont rencontrés. Je pense que c'est important de le souligner. Oui, on l'a avec nous, il faut le dire. Oui, écoute, on pourra en parler un petit peu plus tard, là, parce que c'est vraiment un casse-couille. Mais bon. À part, c'est vraiment le contrat. Tu sais, si on se dit que les gens streament beaucoup maintenant, ouais, vont sur des banques qui contiennent des millions de pièces musicales, d'albums, indéniablement, un jour ou l'autre, et ça, je dis indéniablement, je force la dose un peu, et je suppose fortement qu'un jour, il y a quelqu'un qui va dire « Ouais, mais c'était cool quand on écoutait la radio avec des émissions spécialisées où ce qu'on nous faisait découvrir des trucs ou qu'on nous ramenait des trucs qu'on avait oubliés. » Ça pourrait peut-être arriver. Non, c'est sûr que quand quelque chose disparaît, les gens ont tendance à développer une certaine forme de nostalgie. Mais comme le docteur l'a dit, dans notre cas, c'est vraiment on partage une passion avec la communauté, une passion brûlante pour la musique. Dans notre cas, c'est le rock, le metal. On a des bumpers dans notre émission qui disent on est parfaitement conscient que c'est pas pour tout le monde. Et on cherche pas à aller chercher monsieur, madame. Non. C'est pour ça qu'on a des bumpers qui disent si vous aimez pas ce que vous entendez, vous n'êtes pas attaché, changez de poste. Exactement. Nous, on est là pour partager une passion et Ce qui est intéressant, je pense, le seul intérêt que ça peut avoir, parce qu'on peut aller chercher n'importe quoi, comme le doc l'a dit, sur le web de nos jours, l'intérêt que peut représenter une émission comme Rock Classic, c'est qu'on choisit la musique, on la commente, on parle de musique, on fait aussi... Avec vos expériences aussi. Exactement, et... Évidemment, on fait aussi un peu pas mal de divertissement. On n'a pas joué avec le docteur, hein, d'être divertissant. Tu sais, pendant des années, j'ai été comme le professeur d'école qui expliquait le rock aux gens. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, il reste que c'est correct, mais, tu sais, quand que je parlais avec le doc, tu sais, de son. Puisse s'impliquer à l'intérieur de l'émission, il dit, ah, ben oui, on va ajouter un volet entertainment. Inédit, du fait que c'est un professeur maintenant qui est interrompu par le mauvais élève qui est indiscipliné. Donc, on a ajouté le docteur a ajouté un volet entertainment qu'il n'y avait pas à l'origine. Ouais. Mais tu sais une chose, Tower, c'est que dans les faits, ce qu'Alain vient de dire, là, Rock Classique, émission, quand on anime ensemble, là, tout ce qu'on fait, là, c'est deux vieux amis qui s'assient dans une pièce pour écouter de la musique puis qui commente. Ouais. Parce qu'on n'a à peu près rien de préparé. Ouais. Sinon, le menu musical. C'est ça, le menu musical. Oui. Le reste, non. On prépare certaines chroniques, mais le reste, oui. C'est de l'impro. C'est instantané. C'est de l'improvisation. Ce qui se dit là est la réalité. C'est le vrai feeling du moment, sans framing, sans fausseté. Donc, c'est ça. Et ça, tu n'auras pas ça sur le streaming. Non. Et évidemment, bon, dans les radios commerciales traditionnelles, ce genre d'émission-là est absolument impossible. Ben oui, c'est absolument impossible. C'est vraiment pas grand public, c'est vraiment pas pour mon oncle, ma tante. Là. Ben, c'est ça, les institutions qui veulent tout le temps poursuivre avec le vieux modèle. Puis il y a des véhicules de publicité, tout ça. On dirait qu'ils veulent pas mettre, on voit ça à la télé aussi, Musique Plus, tout ça. Ils veulent plus mettre d'argent dans des productions dites locales ou dites spécialisées, comme on parlait tantôt. On a été des new music, ça fait de même. Et, ça n'existe plus, encore moins dans les radios. Mais là, ma question était, est-ce que tous ces choix-là, ces millions de chansons-là en streaming, tous les modèles nouveaux, qui peut même induire le monde à la paresse. Peut-être. Ne serait-ce que de. Tiens, à un moment, je l'avais dit une fois, une émission de suggestion, je pense. Prenez la peine de syntoniser, de tourner le bouton vers la gauche. Oui, oui, je m'arrête. Champ gauche, oui. De la bande FM. Oui. Tu sais, pour aller voir qu'est-ce qu'il y a un peu plus loin. Essayez d'explorer un peu plus. Bon, ma question étant, est-ce que ces nouveaux modèles-là vont menacent le vieux modèle, sûrement au niveau des radios commerciales, oui. Pour les radios communautaires, la game n'est pas pareille. C'est ça, exactement. C'est que nous autres, on offre quelque chose que personne d'autre offre. C'est-à-dire des passionnés qui partagent leur passion qui donnent de l'information. Le spécialité. Oui. Le spécialité. Ils sont tous pas ça, nous, pareil. Mais le problème Tower, et je pense qu'il part du fait que la curiosité est une qualité qui est en perte de vitesse. Généralement, chez le pauvre mortel. La curiosité, c'est très important. C'est ce qui nous permet de découvrir. Mais cette curiosité-là est un peu annihilée ou engourdie par cette facilité numérique. Ouais, parce que c'est bien beau, les algorithmes, là, mais c'est pas parfait. Là. Non, puis tu sais, il n'y a plus de recherche à faire. Moi, je me rappelle qu'il n'y a pas tant de décennies de ça que tu faisais partie de ceux-là aussi, Tower. En fait, nous étions les trois, c'était exactement la même chose. Avoir fait une émission de radio à cette époque-là aurait demandé énormément plus de travail que ça en demande aujourd'hui avec Internet qui nous donne une réponse rapide des informations qu'on a besoin d'aller valider ou compléter. Alors qu'à l'époque, on avait les fanzines de l'époque, certaines fois par mois, qui pouvaient nous donner en espérant que, en fait, non, je retourne, je reviens ma chose de bord, c'est qu'on aurait fait une thématique en fonction de ce qu'eux autres parlaient et non l'inverse. Le 3 mois. C'est ça, tu sais. Exemple, je peux me permettre un exemple flagrant. Quand Ronald McGregor a parlé du festival World War III, de cette façon de World War III, même chose avec Johnny, avec le monde du rock ou Metalcore, ça. Bon, nous autres, on recevait le pop rock. L'événement a lieu à fin novembre 85. Le pop rock sort en février 86. Moi, je fais un spécial World War III. Moi, j'étais déjà conscient, c'était samedi soir-là, qu'il se déroulait ça à Montréal. Ouais. Bon, j'avais 16 ans. 166 km sur le pouce. C'est pas évident. C'est pas évident. J'étais pas assez front pour ça, mais là, on t'en rendu à Saint-Valentin, proche de Saint-Valentin 86, puis là, voilà mon ma couverture basée sur le pop rock du Festival of World War III. Tu sais, c'est comme un semestre plutôt. Tout à fait. Donc, les communications n'étaient pas aussi au point à l'époque qu'il peut l'être aujourd'hui. Non, mais ça forçait les gens à fouiller, à mettre un effort. Puis tu sais, quand tu travailles pour avoir quelque chose, normalement, tu t'en rappelles plus longtemps qu'avec quelqu'un qui te le fout tout petit dans le bec. C'est pour ça que je parle avec, c'était une époque fantastique pour moi, le début des années 80, lorsque on devait aller à Montréal faire du pouce pour aller s'acheter des disques chez Rock and Stock, parce que t'avais pas ça nulle part. C'était impossible. Bon, on avait Sam de Recordman, mais qui était beaucoup moins spécialisé. Ben, c'est ça, mais tu sais, tu pouvais pas penser à faire venir un disque de Savage de chez Sam de Recordman à Trois-Rivières. Non, c'était moins long d'aller chercher directement chez Rock and Stock, tu sais. Puis il y avait un aspect plaisir aussi. T'arrivais chez Rock and Stock, puis des affaires que tu connaissais pas. Tu parlais à Michel. Il te montrait des affaires que tu sais que moi j'aurais pas connu. C'est comme Raven. Que t'avais pas assez de budget pour vouloir connaître tout ce que tu peux découvrir. Non, mais des trucs comme Raven ou Satan, Diamond Head, j'ai connu ça à cause de la grande star à l'époque. Alors, tu sais, Tigers of Pantang. Non, c'est pas Tigers of Pantang, c'est toi qui m'a fait découvrir ça. Mais c'est tout. La plupart des trucs que j'ai connus dans le métal étaient des importations qu'on retrouvait uniquement chez Rock and Stock. Puis c'était vraiment cool. Et évidemment, c'était difficile. Il fallait que tu fasses du pouce. Oui, dans la Montréal, tu sais, pour ramasser des disques que tu savais même pas ce que tu allais ramasser. Sinon, que tu en avais une idée. Que, ah, celui-là, je m'en vais le chercher. Mais les autres que tu ramassais avec ça, c'était un guest, là. Ouais. Puis là, tu revenais chez vous. Puis là, tu mettais ça à table tournante. Waouh, ben cool. Je me rappelle les premières fois que je suis allé au Rock en Stock, ben une des dernières fois, je pense en 92, j'étais à Rouen quand même, hein, je voyais souvent. Mais moi, je me rappelle le monde, ils voyaient les noms de bandes sur les cartons. Je me rappelle d'un commentaire en arrêt de moi. Ah, Vomitory, ha ha ha. Vomitory, dans ce temps-là, personne. Ben non, ça, ben non. C'est quoi ça? Ben, ça, on veut que, tu sais, les médias autant télévisuels que radiophoniques, web, sont tous en métamorphose. Quand ça va s'arrêter, je ne sais pas, bien malin celui qui pourrait le dire. Il y a une chose qui est sûre, à quelque part, c'est que la radio, proprement dite commerciale, entre guillemets, là, plus grande diffusion. C'est comme t'es obligé d'entendre au dépanneur. Oui. Devrait peut-être avoir peur un peu à ses fesses, plus que des radios comme la nôtre, dans laquelle on participe, qui, elle, tu sais que ce qui pourrait paraître être un désavantage ou un handicap d'être petit devient un avantage à ce moment-là parce que on est le complément. Les spécialités se passent là. Quelqu'un qui écoute, je sais pas, au moins énergie. Irrespectable. Oui. J'imagine quand ça passe à énergie, ben il choisit pas le contenu. Puis s'il choisit pas, il peut même choisir ses heures d'écoute, il va entendre la même crap, ça se dit-tu? Ouais. Alors que dans les petites radios comme C'est fou pour blog, CSM, so, l'auditeur va cibler un genre qu'il aime. Il va savoir que à chaque jour de cette semaine-là, le mercredi, le vendredi, le jeudi, peu importe, à telle heure, il va y avoir quelque chose qui va lui plaire. Il y a rendez-vous à ce moment-là. Exactement. Et il sait un peu à quoi s'attendre, voir des surprises, mais à l'intérieur d'un cadre. Mais d'un créneau qui lui convient. C'est ça. Fait que je pense que ça peut devenir un atout majeur pour faire perdurer ce format-là plus traditionnel. J'ai rien contre les médias électroniques, là, rien. Pas du tout. Je trouve que c'est même à quelque part, ça peut être plus flexible peut-être. Mais il reste que tu as le choix dans la vie, tu peux t'acheter une belle table de cuisine en contreplaqué, mélamine, ou l'avoir en chaîne. Hein. Ça dépend où tu mets tes valeurs. Ça dépend où sont tes attentes. L'avantage de l'émission comme Rock Classique, ben, c'est que pour quelqu'un qui aime le rock, ben, il va entendre des musiques qu'il aime. Et puis, en plus de ça, ils vont entendre des commentaires pour avoir cette musique-là. Parce qu'on fait pas juste, on fait pas juste présenter les tunes, t'sais. On peut pas juste dire c'était l'artiste avec tes tunes. Non, on en parle. Parce que t'as une histoire d'associer à plein de bandes qui ont tout le temps. C'est ça qui est fascinant. On pourrait donner une anecdote pratiquement à chacune des pièces qu'on comprend. Si je regarde ce que je fais, moi, de mon côté à réalisation, je connais pas beaucoup de radio, moi, dites conventionnel, qui accepterait que je prenne 2 heures de Death Metal massacrant une quasi semaine après semaine. Ouais. Ce que je peux me permettre d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure en parenthèse, on est directeur de la programmation, on m'a donné à peu près carte blanche là-dedans, pour dire fais ton style, fais-le, il n'y en a pas d'autres pareil, tu sais. Tu vas probablement combler les attentes de certains. Si c'est pas le cas, just too bad, c'est pas grave. Tu sais, mais où veux-tu retrouver ça un peu comme toi? Ce que tu fais? Tu fais une émission qui est en streaming. Tu fais une émission qui te permet de toi-même de pouvoir voyager entre le progressif, le metal extrême, le rock, n'importe, le punk, le crossover, name it. Tu te permets de faire ça. Est-ce que tu pourrais faire ça, avoir un micro dit conventionnel? Non, impossible. Donc, je reviens encore avec l'histoire du complément, que le complément, pour moi, devient peut-être là, une valeur plus sûre. Ben, c'est mon opinion. C'est quelque chose de complètement différent. Les radios commerciales, puis les radios campus communautaires, c'est comme essayer de comparer un McDonald's avec une bibliothèque dans une université. Ça a autant pas rapport. T'sais, les radios commerciales sont là pour plaire à la masse. Ils font jouer ce que les gens veulent entendre, connaissent, et c'est très peu. Pour vendre des produits et services qu'on veut même pas ou qu'on n'a même pas besoin ou quelque chose de pas achetable ou whatever. Ouais. Au même titre que les chansons, c'est de la promotion pour les mêmes. Il n'y a pas grand chose. La même marde. Là, j'ai dit marde là, parce qu'on est sur Underground Québec, on peut se le permettre. On a carte blanche de dire merde, alors marde. Voilà. C'est dit. Tout ça pour dire, est-ce que la radio devrait avoir peur ses fesses? Peut-être certains formats de radio. Oui. Parce qu'il y a quand même des coûts reliés à. Et d'exploitation sont énormes. Même pour une radio universitaire. Oui. Je veux dire, coût de revenus, ben, ça dépend en partie, grosse partie de la collectivité étudiante. Oui. Mais. Comment dire, publicité, et ainsi de suite. C'est pas. Tout ça n'est pas gratuit. Non. Ça demande un minimum de frais relativement importants d'exploitation. Quand tu penses à un niveau supérieur, les frais sont colossaux. Est-ce que ça peut être un des handicaps éventuels pour une disparition ou une très grande modification de la radio dite traditionnelle? Les plus petits comme nous autres, on ne peut-être pas avoir peur. Peut-être pas. Puis de toute façon, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Parce qu'on aime ça. On s'est déjà posé la question, combien de gens peuvent nous écouter? On fait des blagues souvent en disant, bon, ben l'auditeur est-il présent? T'sais? Ça paraît souvent singulier quand on entend la réaction. Mais c'est pas vrai, regarde. Je partage d'ailleurs Géo Giguère. M'a confié la mission de. Parce qu'il est sur Pop Rock 2.0 sur Facebook. Il aime bien déléguer toutes sortes de tâches, que ce soit au niveau du site web, blablabla. Et puis quand il a vu que j'avais posté le truc de rock classique avec la pochette album anniversaire, à vinyle classique. Oui. Ce que je fais, ben, je peux faire régulièrement. Ben oui. Il avait dit, c'est vraiment cool ça. Je te donne la responsabilité, la mission de poster le lien chaque semaine, chaque vendredi. Puis à chaque fois, il y a des réactions. On dit ça, l'auditeur. Les autres sont peut-être trois là. Un, on est moins sûr, là. Mais il reste que c'est pas le but. Mais un allié incontournable de la radio traditionnelle, c'est la balado-diffusion. Ah ben ça, oui. Oui. Ça, c'est l'aspect technologique qui devient le plus intéressant pour nous autres. Parce que écouter une émission en direct, c'est pas possible pour tout le monde. Non, on le fait. Surtout pas 6 heures. Non, écoute, dans le classique, puis on fait ça, ça commence à 11 heures le matin. Ouais, ouais. Mais encore là, il y a du monde qui m'ont dit qu'ils nous écoutent au travail, ils écoutent les 6 heures, puis ils écoutent la rediffusion le lundi après. Il y en a qui le font aussi. Ils écoutent deux fois. Ben, tu vas sur le site de Internet Archives, sur le site de rockclassique.net, tu vas sélectionner celle que tu vas avoir, tu vas la télécharger sur Internet Archives. Oui. Puis à ce moment-là, tu l'amènes avec toi où tu veux. Oui. Tu écoutes quand tu veux, quand tu as le temps d'écouter, tu peux la réécouter autant de fois que tu veux. Quoi, que, dans le cas, pas sûr que le monde veut nous entendre trois fois, là, mais. Mais c'est comme moi au travail, je pense que tu peux résumer. Oui. Bien important, 6 heures de temps, c'est un challenge. C'est, oui, oui, oui, absolument. Mais oui. Moi, c'est ça que j'ai apprécié beaucoup, c'est que tu peux résumer. Oui. C'est pas un podcast qui se consomme de façon, conventionnelle en termes de durée. Non, donc, ben non, et en termes de substance également, je tiens à le mentionner, les autres stations de radio, là, soyez à l'écoute. Chaume. Ouais, ben, il y a encore là, Chaume ne pourra pas. Tu sais, Bohemian Rhapsody, il y a 11 heures du soir, à tous les soirs, là. Oui, c'est vrai. Mais ils sont formatés, on ne le sera jamais, nous autres, ou à peu près pas. Donc, c'est ça, parce que c'est un net avantage. Dans le fond, vous autres, ce qui vous importe, sous le slogan que tu m'as mentionné en nombre de fois, have fun. Ouais. Ça, c'est deux mots clés. Ouais. Mais pour ça, l'authenticité est essentielle pour vous aider à poursuivre dans cette direction-là. Parce que je me vois très mal envoyer mes choix de canevas à Alain en disant, écoute, j'ai choisi ça, mais moi, j'écoute pas ça, là, tu sais. Moi, j'écoute plus Marie-Mé, là. Mais tu sais, parce que cette émission, c'est rock classique, mais j'ai choisi du rock, mais tu sais, on pose pas trop de questions. Faire la même chose sur son côté. Non, c'est impossible. C'est-à-dire que ce qu'on met dessus, ben, c'est ce qu'on écoute à chacun de notre côté, là. Lui, dans sa crypte et moi, dans mon labo. Ouais, cette tonne de Loverboy là, moi j'écoute l'autre tonne d'avant, Get Lucky, c'est quoi? Je veux même pas m'en rappeler. Ouais. Tu as probablement une référence au segment Ça passe, ça casse. Mais ça, de ça c'est partager vos expériences, vos passions, vos goûts reliés à ça, et aussi vos barèmes en ce qui a trait à ce qui est rock et ce qui ne l'est pas. Ouais. Oui. Oui. Tu sais, comme vendredi dernier, j'ai passé une pièce du nouvel album de Fleetwood Mac qui est sorti sous le nom de Lindsey Buckingham et Christine McVie. OK? Parce que tu as 4/5 de Fleetwood Mac qui sont sur cet album-là. Okay. Il manque juste Stevie Nicks. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Mais ça, c'est mon jugement à moi. Puis pour moi, c'est de la pop rock. Et rock en tout cas. C'est-tu meilleur que Keith Richards, le dernier album, ou moins? Oh, c'est différent. C'est différent. Non, c'est parce que c'est supposé être vraiment bon, Keith Richards, hein, parce que c'est Keith Richards. Les mouchoirs Kleenex vont mieux parce que c'est Kleenex. Les journalistes sont tellement à côté de la traque, et surtout ceux de la presse, je le dis, là. Ouais. C'est incroyable. Là. Il y a plusieurs années, je suis allé voir Neil Young en spectacle. C'est un des pires spectacles de ma vie auquel j'ai assisté. Puis dans la presse, il encensait le spectacle, puis il disait que si on n'avait pas aimé ça, c'est parce qu'on n'avait rien compris. Non, man, c'était de la merde. C'était vraiment de la merde. Neil Young, il était dos au public, il feedbackait, il jamais. C'est pas intéressant. Tu sais, viens pas me dire que c'est génial, ça l'est pas, man. Je veux dire, si j'avais été voir mes chums au local, puis qu'ils avaient fait ça, ben, tu sais, c'est correct, tu sais, parce que son dernier local, le local, ils s'amusent pas pratiquement en entier. Ils m'ont pas fait payer 120$ pour ça, là. Et voilà, très bon point. Non, ben. Mais ils sont souvent à côté de la traque, eux autres. Puis, tu sais, écoute, dans les médias, on lit qu'Éric Lapointe est un rocker. Mais non, c'est pas un rocker. C'est quoi ça? C'est un chanteur de malade. Ben non, il grogne un peu, tu sais. Ouais. Tu sais, je veux dire. Éric Lapointe, là. Je voulais avoir une digestion agréable, moi, là. Tu sais, c'est parce que des chanteurs de chambre qui grognent. Il y en a eu plein, là. Puis, on n'appelle pas des rockers. C'est pourquoi ici, au Québec, on l'appelle un rocker. Oui, mais cette presse-là. Qu'on parle, aussitôt qu'une petite saturation dans la guitare ou dans la voix, automatiquement c'est du rock, c'est du metal. Ils disent que Marie-Mé aussi est une rocker. Oui, je ne connais même pas Marie-Mé. Je sais qu'elle a participé à une émission poche que j'ai jamais vue, Star Academy. C'est tout ce que je sais d'elle. Ce qui est le fun à rock classique également, c'est ce qu'Alain vient de démontrer d'ailleurs, c'est l'esprit analytique, le sens critique, tout ça. C'est la voix, là. Il n'existe plus Star Academy. Ce qui est. Ouais, mais elle, ça fait longtemps là, quand même. C'est la franchise aussi, parce que ça me rappelle, tu avais fait une critique d'un album de Aerosmith, un des derniers Aerosmith. Moi, c'était un album solo de Steven Tyler ou un, non, un des derniers. Non, je ne peux pas parler parce que c'est un album country, celui de Steven Tyler. Okay. C'est sûrement, tu te réfères à le dernier qu'ils ont fait Dans les c'est ça, oui. c'est un. Ouais, peut-être la pochette, mais pas plus moyen. Ouais, c'est ça. Ah, quand tu l'avais varlopé, là. Ouais. J'avais tellement aimé ça. Ouais. C'était délectable. Je sais que c'était pas gratuit, c'était très franc. Ouais. Mais je fais plus ça maintenant parce que, à place, je laisse aux gens l'opportunité de se faire une opinion par eux-mêmes. Et c'est pour ça que, bon, regarde, je fais jouer des trucs des fois que moi, j'aime pas tellement, mais je dis, regarde. Oh ben pas moi. Voici. Moi, là, voici je ne me priverai pas de ce plaisir-là. Si l'album est pourri, je vais le détruire. Ben, ça peut être une déformation professionnelle du fait que je suis aidé de la programmation et que j'ai à dealer avec plusieurs types de musique qui ne me plaisent pas nécessairement, mais que je vois qu'il y a des gens qui sont passionnés par ça. Alors, tu sais, je suis plus mesuré. Okay. Que, tu sais, pour moi, les choses sont pas ni noires ni blanches. Il y a beaucoup de gris. Ouais. Moi, ça me plaît pas telle affaire, mais je suis conscient qu'il y a des gens à qui ça peut plaire. Mm. Bon, vendredi, on s'est pas bordé. Par exemple, on l'a dit que c'était pas bon l'album de Lindsey Buckingham. Non, mais pourquoi compter les Christine McVie? On a fait jouer un. Non, mais j'aurais pu rien dire. C'est-à-dire. Ouais, mais faut toujours se faire. Faites-vous une idée. Faites-vous une idée. C'est ça. Ouais. C'est ce que j'ai l'habitude de faire. Faites-vous une idée. Mais tu sais, pour que. Vraiment, tu sais, pour vous donner un indice d'appréciation de ma part, si j'ai vraiment aimé ça, je vais passer trois pièces. Ouais. Pour c'est moi donner une deux, idée. Si j'aime pas ça, une. Une. Ouais. Puis j'ai failli la couper, la chanson de Lindsey Buckingham. Je l'ai demandé, mais c'est déjà arrivé qu'on en a coupé. Je disais, non, c'est vraiment trop mauvais, on a fait ça. If we choose to collapse one reality, the other will be forced into existence. Vous écoutez Subversion sur Underground Québec Radio. Vous avez suivi Mouton. Dans la vie, pas à genoux, implante des t'es une grosse marde. Pardon? Gros crise d'état. T'as sacré sacrement. Une grosse marde. Lâchez-vous pour une fois dans votre vie. Des on est là pour vous aider à vous émanciper. Death Metal en 92, c'était dans son apogée, mais il y avait Dark Angel qui déchaussait, là, mais des fois, il y a du monde qui les trash de Charlie, ils regardent ça, ils se tapent. King de mon gars. Let's get the news, boy. I'll make some tea. Et là, la balade lui dit « Je suis désolé, nous n'avons plus de billets pour Black Sabbath. » Donc il dit « Non, pas pour Black Sabbath, pour Sting. » « Ah, ça, j'en ai avant, c'est c'est notre mentalité d'agriculteur retardé. Maintenu dans notre niaiserie pendant des années de corruption gouvernementale et de dictature cléricale. Syndical, bureaucratique. Moi, je suis mystifié de voir jusqu'à quel point on est cave. On dit merci, merci ou si on dit fuck you. Fuck you. Bon, après avoir eu cette longue discussion sur. Sur le monde merveilleux de la radio traditionnelle. On a tendance à s'emporter. Ben, c'est ça qui arrive quand tu trouves un animateur de radio qui se retrouve ensemble. L'entrevue va être interminable. Oui. Tu sais, t'as trois verbaux moteurs ensemble. Oui, parce qu'on a un volet consent mémorable à faire passer. Alors, les trois prochaines pièces vont être attitrées à ce volet-là. On va entendre Gorgas, Iron Maiden et The Who, trois formations qui ont. Semble-t-il donner une performance tellement honorable qu'elles nous ont marqué à jamais. Ou des fois, c'est juste arrivé dans le bon temps. Oui. Parce qu'on a eu plein de concerts mémorables d'ailleurs avec Mike, avec Wayne Archibald également. On a fait état de ça. C'est des Exciter, des Anvil, des Merciful Fate, plein de formations qui nous ont marqué. Voivode aussi en concert. Bref, on a dû faire un choix. Pour ma part, Gorguts. Gorguts en 1993. Je connaissais Gorguts évidemment depuis le tout début. Mais vu que j'étais en Abitibi, à 666 km de bien des événements historiques et autres moins plus obscurs, il y avait un petit bar sur la 3e avenue à Val-d'Or qui s'appelait le Ritz. Eux autres, ils faisaient venir des bandes, qui étaient choses hors du commun là-bas dans le territoire du nord-ouest québécois, de faire venir des bandes de speed metal, des affaires de genre-là, et encore moins de death metal. Hein. Oui. Et là, en 93, on est en octobre à l'automne, puis j'avais déjà vu, je pense, Oblivion, Lankmar, qui d'autres, Last Breath, des formations québécoises qui faisaient dans le métal le plus extrême. Que... C'est là qu'Aggression était allé oui. jouer? Oui, Aggression, oui. C'était le premier band que j'ai joué. On a failli y aller. Oui, tu vois. Puis finalement, je ne sais pas pourquoi on n'est pas allé. Vous êtes trop froid. Il y a des histoires vraiment légendaires concernant les traversées du parc dans ce temps-là, oui. Les températures de moins 25, moins 30. Oui, justement, Aggression, le party du jour de l'an 87, j'étais là. C'était incroyable. Incroyable. Et encore avec Gorguts en 93, parce qu'il faisait un style que nous, en les bars, en les Mississippi, on n'était pas habitué de voir ça. Là. Non. Moi, on avait 100 km à faire de Rouen à Val-d'Or pour aller voir un concert comme ça. Faut savoir que les bandes à ce moment-là faisaient le traditionnel, comme c'est plus des bars, genre 2-7, deux fois le même set. Alors, les gars revenaient d'Europe avec les trois Steve Urdle, Steve Cutsey, Steve McDonald. McDonald, oui. Puis, c'était, bon, The Origin of Sanity était sorti depuis un bon bout de temps. Il revenait d'Europe, comme je disais. Puis, c'était comme faire un voyage de 500 km pour aller voir un band comme ça, et on en faisait 100, c'était weird. Je me souviens, c'était le 5 octobre, et parce que, bon, concert marquant égale date marquante. Hein. L'album, je venais juste d'avoir l'album de Cynic, Focus de Cynic, moi. Puis, il avait fait une tempête de neige, vraiment, très tôt dans la saison. C'était weird, là, la neige envolait partout. Bref, le concert en tant que tel, c'était vraiment écœurant. Et ce qui a été marquant aussi, c'est qu'il jouait déjà des nouvelles tunes qui allaient se retrouver sur l'album suivant. Album qui a pris 5 ans à sortir, Obscura. Mais eux autres étaient en train de monter leurs démos pour choper les compagnies de disques américaines, entre autres, qui ne voulaient absolument rien savoir de ça. Parce que là, le Death Metal était supposément mort. Et eux autres, là, ils jouaient des tunes comme Illuminatus dans des bars comme ça. Ouais. Là, des tunes de 8 minutes. C'est pas mal le Twilight Zone. On ne comprenait rien. C'est bon, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est ça. C'est que, comme on était loin de Stephen Cole et des trucs comme ça. C'était surréaliste. Oui, absolument. C'était la première fois que je voyais Steve Urdle d'ailleurs en show avec Fury Lange, je ne l'avais jamais vu. J'étais comme « Wow, il y a du coffre! » Mais non, c'était vraiment cool. Puis Steve aussi, c'était Steve McDonald. Ben, toutes les Steve, finalement, c'était la première fois. J'avais jamais vu Psychic Trouble, j'avais jamais vu Celestial Vision encore moins, que je connaissais par contre... à cause du Safe Trading, les démos Celestial Vision, j'ai beaucoup aimé. Il jouait dans la Celestial Vision. Oui, j'aimais beaucoup ça. Bref, c'est vraiment tout ce que j'ai à dire. Concert marquant, des soirées mémorables au Ritz. Le DJ était branché, il y avait des imports du rock en stock lui aussi. J'arrive là, au show d'Aggression, justement. J'arrive dans une grosse pile d'importation. Premier, ça s'appelle Cryptic Slaughter Convicted. Ah, toi aussi, t'as ça, wow! Et là, tout de suite après, j'ai Gate, le drummer d'Aggression. Oui. Hey man, it's process. Avec les deux bras dans les airs, je me rappellerai toujours. Mais que de soirées mémorables au Ritz, c'est ce concert de Gorguts, c'est en été. Voilà. Excellent, ça. Du côté de. Rockmaster. Oui. Iron Maiden, qui est une des formations que pour bon nombre de gens a été. Il y a eu sans doute nombre de concerts mémorables d'Iron Maiden, marquant. D'ailleurs, Wayne, qu'on mentionnait tantôt, notre ami Wayne, a fait mention du show au Spectrum en 81. Est-ce que c'est cela que. Non, ça c'était Killer, ça. Écoute, moi, je suis ado à l'époque. Évidemment, je n'avais pas de permis de conduire, puis j'avais pas, la volonté de faire du pouce pour me rendre là. C'était un soir de semaine, je pense que c'était un lundi ou un mardi. Alors, je n'ai pas assisté à ce concert-là. Je l'ai vu. J'ai vu Iron Maiden pour la première fois l'année suivante avec The Number of the Beast. Okay. Et à ce moment-là, ben, c'était Bruce Dickinson qui était rendu là. Et tu sais, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé Paul Di'Anno. J'aimais beaucoup sa voix. Je ne l'ai jamais vu en spectacle. On m'a dit que c'était correct, on est sans plus. Côté frontman. Mais j'aimais pas tellement la voix de Bruce Dickinson lorsque The Number of the Beast est sorti. J'haïssais pas, mais j'aimais mieux l'autre. Je trouvais ça dommage que l'autre soit parti. Et je comprenais pas pourquoi. Maintenant, on sait tous que c'est parce qu'il était fini. Il était complètement fini, Paul Di'Anno. Maiden n'était pas pour... carrément avorté à cause que leur chanteur était fini. Ils ont eu le génie d'aller chercher ça, ce type-là. Bruce Dickinson, qui était avec Samson avant. Et j'étais pas sûr de sa voix, j'étais pas sûr de l'aimer. Sauf que quand je l'ai vu en spectacle, je suis tombé sur le dos. Et puis, écoute, là, surtout un Bruce Dickinson qui avait quoi dans ce temps-là? 24, 25 ans. Imagine l'énergie qu'il pouvait avoir, là. C'était incroyable. C'était, puis j'étais directement à côté sur la gate, en avant, devant Dave Murray. Et quand le spectacle a commencé, ils ont commencé avec Murders in the Room Morgue. Quand ils sont arrivés sur scène, là, une tempête incroyable. C'était comme... c'était hallucinant. C'est une soirée mémorable. Écoute, la chair de poule. Ça, on n'a pas mentionné, c'était à Verdun le 26. Oui, c'était à Verdun le 26 juin. 82. Ouais, exactement. Écoute, moi, au départ, j'en ai vu beaucoup de spectacles. Hein. Puis les enfants chez nous me posent parfois la question, c'est quoi le meilleur spectacle que j'ai vu? Le meilleur spectacle que j'ai vu de tous, là, pour le plus mémorable pour moi, ça reste Paul McCartney à Halifax. Parce que c'était une soirée absolument parfaite, il était parfait. Mais là, comme on est dans une émission de métal, je me suis demandé, c'est quoi le meilleur show de métal et le plus mémorable? Ben, c'est celui-là, Iron Maiden. Parce que avant ça, j'avais vu quelques autres spectacles qui m'avait déçu. J'ai vu Kiss en 79 au Forum. C'est le premier spectacle majeur que j'ai vu. T'as vu qui? Kiss! et puis, ça m'avait déçu. C'était pas aussi beau que je pouvais m'imaginer. Moi, j'étais un fan de Gene Simmons. Quand je l'ai vu en spectacle, j'ai fait... Par contre, Ace, c'était éblouissant. Il l'homme était fantastique. Tout inventé. Oui, y compris le gelage congelé. Oui. Ace avait sauvé le show, quant à moi, parce qu'il était vraiment brillant. Il était éblouissant. Il était fantastique. Il a sauvé le show, mais il reste que j'étais déçu. Et l'année d'après, je suis allé voir Cheap Trick, parce que j'aimais beaucoup Cheap Trick. Dans le temps, à cause, ben j'aime encore Cheap Trick, mais particulièrement dans ce temps-là, à cause de l'album à Budokan. Et puis, il m'avait déçu aussi. Puis, je voyais que tout le monde autour de moi capotait. Puis là, je me disais, ben, ça doit être vraiment un bon show, mais moi, ça me fait rien. Peut-être que, dans le fond, je n'aime pas ça tant que ça, des spectacles, puis je suis mieux de rester chez nous et écouter les disques, puis de me faire mon petit concert dans la tête. Mais j'ai décidé de quand même réessayer une autre fois, puis je suis allé voir Van Halen. La tournée Fair Warning, et là, c'est le premier bon spectacle que j'ai vu de toute ma vie. Van Halen, écoute, ça m'a jeté par terre. C'était écœurant. Diamond Dave, à l'époque, était un dieu sur scène. Et quelques mois après, j'ai vu ACDC, For Those About to Rock. Puis là, écoute, j'ai pratiquement juste vu des bons spectacles par la suite. Et Iron Maiden, c'était le spectacle. Non, pas le suivant, j'ai vu Scorpions avant ça avec Rainbow. Mais Iron Maiden m'avait particulièrement marqué. Et de ton côté, le Doc? Ben moi, tu es une formation anglaise très connue planétairement, on le devrait dire. Ben, je fais vraiment la part. On sort un petit peu des ornières de suggestions habituelles, mais comme on aime le faire également, on l'a fait avec Captain Beyond récemment. On va jusque-là quand même. Ben, parce que je savais que tu avais une ouverture d'esprit que j'ai osé le faire. En fait, qui est grandement dû à justement des émissions comme Rock Classique qui nous éduquent. Comme tu avais déjà dit, je voulais le mentionner, c'est comme retourner à l'école du rock. Ouais. Moi, je suis comme le popinot du rock. Oui, mais très mauvais professeur. C'est la popinette. La popinette aussi. toujours est-il, qu'est-ce que je disais, moi? Ah oui, c'est ça. Bon, oui, je fais mal à bord parce que... j'avais en tête un truc qui était, lorsque j'étais allé au Spectrum de Montréal en 85, je ne m'abuse, 86, je suis certain, pour aller voir le show du 10e anniversaire de Motorhead, dont la première partie, c'était Razor. D'ailleurs, Sheepdog était assez clownesque, là, sous stage, mais bon. Pour voir, et j'avais vu... C'est la force, ça, aussi. C'est fort. J'étais content parce que j'avais eu l'occasion de voir Phil Animal Taylor, la batterie, avec Lemmy, mais évidemment, face à des clairs qui étaient partis, il était remplacé. C'était pas Phil, en passant, c'était Pete Gill, l'ancien batteur de Saxon qui était là. Non. Oui. Je vais te raconter une histoire, une anecdote par rapport à ce show-là, je me rappelle très bien. Il est monté pendant le concert sur son band drum, sur son tabouret, et il a monté, il avait des shorts Adidas, et il a monté ses shorts jusqu'en dessous de ses bras pour qu'on voit descendre ses couilles. Et les gens ont applaudi. Au Spectrum. Et c'était ridicule. Au Spectrum? Oui, au Spectrum. Oui, le 10e anniversaire, j'étais là. T'étais là? Ben oui, j'ai le t-shirt encore. Ah ouais. Et j'ai mis le petit macaron, mon chouette, je me rends compte. Aussi, je l'ai encore, mais je me rappelle que le drummer était monté et qu'il y avait des spandex rayés rouge et blanc. Non, il y avait des shorts Adidas. Ah, le groupe. Et il a fait cette passe-là avec les. Mais moi, je me rappelle pas de ça. Je me rappelle vraiment pas de ça. Non. Mais toujours une histoire d'horreur, finalement. Sûrement. Que François Descartes n'était pas là, il avait été remplacé à l'époque par Weasel et Wizzo. Et Wizzo avait le bras dans le plâtre. Il avait le bras du Non, tu veux dire Wurzel et Phil Campbell. Wurzel de Corbeau? Wurzel. Non, mais ça, attends, remets-toi une chose en place. Wurzel et Wizzo, c'est deux différents. Wurzel, c'est Phil Campbell. Non. Wizzo, c'est Phil Campbell, puis Wurzel, c'est l'autre dans le monde. Ah, oui. Oui, exactement. Parce que Wizzo, c'est un groupe punk. Non. Wizzo, c'est un drummer d'un groupe. Wizzo, tu vérifieras, c'est le deuxième guitariste. Ben, c'est Phil Campbell qui était là. Oui, Phil Campbell était là. Wizzo. Et Wurzel, qui était l'autre, qui avait le bras dans le plan. Oui, lui, il avait le bras dans le plan. Ben, non. Le poignet. Ben, c'est ça. Ben, c'est lui, je parle. Oui. Je suis pas prêt qu'il m'obsède depuis tout à l'heure. On vient à la même affaire. Là. Ah. Puis là, je m'étais dit, ça devrait être pas pire, tu sais. Fait que je me suis mettre en avant pas mal. Oh, quelle horreur. Ça commence. Écoute, Lemmy arrive sur le stage avec une course light. Il la met sur le dessus de son Murder One. Il se prend sa cigarette, il la jette à terre. Puis il dit, we're a Motorhead. Mais il a pas dit, we'll play rock'n'roll. We're a Motorhead. Il part. Ouais. Je pensais que l'estomac était pour me sortir par la bouche. Tellement c'était fort. Tellement c'était épouvantablement fort. Chose intéressante, juste avant le spectacle, pendant Razor, je me reviens d'abord à côté. On est Lemmy à côté de moi. Ah ouais. Hey, you're a mister. Yes, I am. Enjoy the show, kids. Ils en vont. J'ai failli prendre ce moment-là, mais écoute, on avait déjà quand même un peu de Motorhead dans l'émission. Puis, j'étais arrivé, non, c'est pas ça mon moment de grâce. Mon moment de grâce était quand j'ai pu voir, enfin, plusieurs années après avoir commencé à aimer vraiment le groupe de Who. Au Centre Bell, le 20 novembre 2012, avec la tournée de Quadrophenia. Donc, il faisait l'entier de Quadrophenia, plus quelques succès à la fin du spectacle. Évidemment, c'est pas de Who en entier, il reste que Roger Daltrey et Peter Thompson, parce que John Entwistle est décédé, Ed Moon aussi. Mais par contre, le band s'est bien entouré avec Zach Starkey, excellent batteur, qui est le fils de Ringo Starr. Et Palomino, quelque chose comme ça, le bassiste qui se débrouille très bien aussi. Et le plus jeune frère de Peter Thompson comme deuxième guitar en support. Donc, c'était vraiment, là, on était très bien placés. Moi, je suis un fan fini de Peter Thompson, des Who, c'est mon groupe rock par excellence. C'était pour moi, j'en ai encore la chair de poule. Là. C'est la seule fois que j'ai pu voir les Who. La deuxième fois, on avait voulu aller voir à Toronto, c'était le spectacle avait été annulé parce que Roger Daltrey avait des problèmes de santé. Et je vais aller retourner les voir dans moins d'un mois, là. Ah oui. À Québec, ouais. Mais c'est du rock, c'est pas du métal, mais c'est extraordinaire parce que écoute, c'était un rêve que je réalisais, là, de voir enfin les idoles du rock. Et que malgré le fait que Peter Townsend avait quoi, 71, 72 ans à l'époque, ben en embarquant sur la scène, il a fait le fameux windmill. Ah oui? Ouais. Et je m'attendais pas à moins rien de ça. Donc, ben moi j'ai choisi la pièce qui ouvre l'album à part l'introduction par Ophelia, soit The Real Me. D'accord. Donc nous allons entendre. J'ai choisi The Gorgas, Others of Existence, de l'album Erosion of Sanity de 93 justement. Iron Maiden, Mercenary Morgue, parce qu'il y a un trait à Alain. T'as choisi la version en spectacle qu'on retrouve sur le coffret Eddie's Archives, le disque Live at Hammersmith. C'était enregistré au Hammersmith pendant la tournée Number of the Beast, donc c'est à peu près ce qu'on a entendu là, comme band, comme performance à Verdun. Mais d'abord The Who avec The Real Me, le choix du doc. Ce version sur Underground Québec Radio, oui, du rock et du métal, puisque depuis tantôt, on tremble dans le reggae solide au Archibald sur rue, je m'en rappelle plus, à toi, il est. See you.

Pour bien manger dans un cadre préparé par la nature, il faut savoir choisir ce qu'il y a de bon. La margarine Monarque à base d'huile de soya sur du pain avec des radis, c'est bon, c'est appétissant. Monarque et la moto, deux des bonnes choses qui font la qualité de la vie. De retour au Archibald à Trois-Rivières pour son Metal for Breakfast, édition très spéciale. C'est fou, concert marquant, concert mémorable, album marquant, concert mémorable, et, etc., etc. En compagnie de du Rockmaster Alain Lefebvre et de ce abominable Dr. Pendragon. Pèse tes mots, toi. Pour ne pas dire infâme. Pas dire. Ignominieux. Toutes sortes de qualificatifs qui sont familiers pour l'entourage des auditeurs de rock classique à Sifu. Nous venons d'entendre Gorguts avec Others of Existence, du deuxième album de Gorguts en 1993, qui est paru en janvier, donc 25 ans mine de rien, en janvier prochain, cet album-là. Souvenir très mémorable du concert au Ritz-Val-d'Or, à ce que, pour ma part, en fait. C'était précédé de Iron Maiden, les légendaires Iron Maiden avec Murders in the Remorgue, version live au Hammersmith, 1982. Concert mémorable pour le Rockmaster Alain Lefebvre. Et en début de bloc, The Who avec The Real Me, de l'album Quadrophenia de 1973. Un choix du doc en ce qui a trait à un concert qui l'a marqué pour sa part personnellement en 2012. C'est exactement. Bien ça? Donc, c'est de notre dernière intervention, et pas la moindre, puisque, faut que je rappelle aux auditeurs qui viennent se joindre à nous ou qui n'étaient pas très attentifs depuis le début à cause du reggae ou du festival reggae qui règne en arrière-plan ici, un bon nouveau sonore. Parce qu'ici, c'est des orignaux qu'on voit et toutes sortes de créatures qui sont suspendues. Mais toutes sortes de créatures. C'est sûr que c'est jamais au niveau de ce que du laboratoire du doc. Non. Voilà, je suis d'accord avec vous. Avec beaucoup de vous. La musique est bonne dans le laboratoire du doc, contrairement ici. Oui. D'ailleurs, en passant, je pense que pour les quatre choix musicaux du doc concernant la réanimation, je pense qu'il fait des tests sur les morts avant de présenter ça aux mortels via les ondes. Comme il n'y a pas de réaction, je me dis que ça doit être carré. Faut que je rappelle aux auditeurs que non seulement j'ai avec moi des artisans, des vétérans de la radio de C'est Fou, directeur de la programmation de C'est Fou, un spécialiste de death metal, tout ça, mais aussi les membres, anciens membres de la formation trifluvienne Outrage, le pionnier du speed metal en Mauricie. Comme on disait précédemment, très influencé Motorhead, Slayer, ouais, à l'époque. Et puis, au show de Gorguts à Shawinigan en avril, on s'était rencontrés. On avait brièvement jasé de ce qui allait, de ce qui devait sortir en format vinyle. C'est-à-dire une compilation de démos pour Outrage, une initiative d'une personne qui run une espèce de label du nom de Le Backstore, ouais, sur le web. Patrick Martin. Oui, Patrick Martin. Ça sort de façon imminente. Il y avait eu un petit délai par rapport à un détail quelconque, mais qu'est-ce qu'on peut dire de cette parution? Parce que ça sort là, les prochains jours. Si c'est pas la fin de juin, c'est début juillet. Oui, oui. Ce que j'en sais. Et ça s'intitule Buried Pieces. Buried Pieces. Qui était le titre d'un des démos. C'était le titre du cumulatif des démos. OK. Qui avait été faite en 84 et 86. À l'époque, j'avais fait avec l'assistant de Johnny Hart puis la collaboration de Blackie de Survivor. On a remasterisé ça parce qu'il y avait une portion que j'avais encore sur tape un quart de pouce. D'autres étaient sur vraiment cassette. C'était un peu aventureux là, de pouvoir y faire quelque chose, mais Blackie avait nous faire quelque chose. Ouais. Fait que j'avais tout reçu ça, puis je m'étais dit, il y avait quelqu'un qui avait dû vouloir les avoir, ces pièces-là. Je les avais juste remis sous le nom de Buried Pieces. Mais le titre est resté pour ce que Patrick va en faire comme ou est en train d'en faire plutôt comme sortie virile. Un peu ça, l'historique de ça. Pour ça, il va y avoir. Il y a d'autres contenus qui se rattachent à ce rôle. Il y a d'autres, pardon? D'autres contenus, il y a du. D'autres trucs tangibles. Je pense que des photos, des t-shirts. Il y a un t-shirt qui va être. Patrick est passé me voir il y a quelques semaines. On m'a donné le test pressing. Puis il m'a dit que. Il y aurait un certain nombre de copies dont j'ai pas en tête de chiffre exact, là, mais un certain nombre de copies qui viendraient avec le t-shirt. Mais le t-shirt, il faut savoir que c'est. À l'époque, André, j'ai sorti deux t-shirts dans sa courte carrière. On trippait beaucoup sur les. Alain et moi, on trippait beaucoup sur les zombies, les morts vivants, qui est encore le cas. Les bandes dessinées. Oui. En connotation horreur, tu sais, ce qui était comic book, là. Bon, donc, on avait eu le premier t-shirt, c'était des morts vivants. Et le deuxième, c'était encore une espèce de mort vivant qui voulait attaquer quelqu'un à coups de hache. Puis, il y avait une phrase qui avait été choisie par Alain, qui était « First they want your brain ». Fait qu'on a fait une combinaison des deux. La phrase avec le t-shirt, bon, j'ai ramené ça au bout de jour, là. Fait qu'il va y avoir une portion, un nombre X de, avec t-shirt, puis une autre version colorée, c'est vinyle aussi, et l'autre version vinyle noir standard. Puis, qu'est-ce que ça vous fait, vous autres? Ben, je veux vous dire avant tout que je vous avais découvert sur la compilation Moose Mountain Metal 2, ouais. Volume 2, avec. Until You Bleed. Until You Bleed. Et également sur la compilation de New Renaissance Riggers, ça c'est dur à dire. Oui, le Speed Metal Hell Volume 2. Qui est la deuxième compilation. Crack Under the Ash. Oui, c'est ça. Ouais. Okay. Fait que c'était les deux seuls tours que je connaissais à l'époque. Ouais. Puis ouais, ça avait passé avec Aggression. C'est les meilleures versions d'ailleurs. Parce qu'on les a réenregistrées pour ces compilations-là. Ah, okay. Puis ils punch plus les versions originales, je crois. Ouais. C'est des choses qui ont été incluses dans le. Non, dans ces versions-là, on n'a pas les droits dessus. On n'a pas les droits dessus. Non, ça avait été demandé d'être réenregistré par les labels respectifs et entre autres pour le Moose Mountain Metal. Hotel Oblivion, on nous avait demandé de modifier le refrain pour le F-word pour le on rock. Faisait des Steel Panther de nous-mêmes. Mais on l'a pas vraiment fait. En réalité, on l'a un peu mâchouillé, le F-word, pour qu'il sonne un peu comme il voulait, mais il est là encore. Mais on n'a pas le droit sur ces versions-là, donc c'est les versions standard du studio, l'original. Puis à ce moment-là, vous ne portiez pas les noms de. Vous n'appelez pas Pendragon puis Rockmaster à ce moment-là. Non. Il y avait une espèce de propension justement à l'époque à prendre des noms, des surnoms, ou carrément d'autres noms. Comme tu sais, Voivod avait tous des surnoms à l'époque. Ben nous, on avait opté pour des noms fictifs parce qu'on avait. Non, on avait comme ambition de faire carrière internationale. Alors, on s'était créé des espèces de personnages comme ça. Comme le Doc, c'était Becky. Ouais, parce que j'étais un gros fan de Tom Sawyer. Puis j'aime beaucoup le personnage de Tom Sawyer. Puis sa copine, celle qui tentait de faire devenir sa copine, s'appelait Rebecca et il l'appelait Becky. Ah, OK. C'est là que ça vient. C'était notre Alice Cooper. Oui, c'est ça. Voilà. Effectivement. Et pour ta part, c'était Steven. Steven Allen. OK, Steven. Oui. Parce qu'il y avait beaucoup de ça sonnait américain. Ben, non, c'est pas ça du tout. À l'époque, je trippais vraiment sur Eddie Van Halen, sur son son de guitare. Cette technique. Ouais. Alors, j'ai joué là-dessus, Steven Allen. Okay. Tout simplement. Steven, ça avait rapport avec Aerosmith ou Un petit peu, oui, parce que j'étais aussi un gros fan d'Aerosmith à l'époque où personne ne connaissait plus Aerosmith dans le temps. Même, je me rappelle avoir fait la première partie avec Outrage d'un groupe sans importance, là, au Vieux-Port, j'ai oublié leur nom. Là. Et puis, leur gérant me disait qu'il faisait rire de lui par les gars de ce band-là, parce que lui aussi était un fan d'Aerosmith, mais qui était un peu trop jeune, qui ne connaissait pas ça. Là, je disais, ben, c'est bizarre, ces gars-là sont plus vieux que moi, puis ils ne connaissent pas ça. Pourtant, moi, ben, disons que. C'était assez étrange. Ouais. Il y avait... On croit que c'était des mélomanes depuis peu, hein, parce qu'ils connaissaient juste ce qu'ils en fait depuis, qui avait sorti depuis 2-3 ans. Ils connaissaient même pas Aerosmith. Voilà. Tant qu'au drummer, ben, c'était Chris et l'autre chanteur qui nous a quitté à un certain moment donné, Nick, qui était remplacé par Kane. Non, mais Kane était là aussi, les deux ont été là. Ah, mais c'est vrai, ce sont simultanément. Parce que sur le troisième démo, on était cinq. C'est vrai, par exemple. Alors qu'en majorité du temps, on a toujours été quatre. Parce que quand Nick a quitté, j'ai dû devenir le chanteur. Ben non, parce que moi, ce que je voulais, ce que j'aimais, c'était de jouer de la guitare. Ouais. Juste jouer de la guitare, composer. Puis là, je me voyais obligé de devenir le chanteur parce qu'on a fait plusieurs auditions avec des chanteurs tous plus mauvais les uns que les autres. Et à un moment donné, ben, le doc m'a dit « Ça te tente pas de chanter, finalement. » Ben, j'ai pas bien le choix. Mm-hmm. Sauf qu'il n'y a aucun enregistrement. Il n'y a aucun enregistrement de moi, d'Outrage, qui existe. Enregistrement professionnel, il n'y en a aucun. Chante. Non, c'est tout Nick sur ces enregistrements-là. Okay. En spectacle, on chantait tous. Même Becky chantait moi je chantais du Gravedigger, Exodus, ça c'est pas très dur de chanter des Exodus. C'est quoi vous faisiez de Gravedigger? Heavy Metal Breakdown. Dying Man. Non. Exodus, on faisait... Metal Command, oui, ça je me rappelle. Lessons in Violence. On a fait Bonded by Blood, mais je pense que c'était avec Chronicles que c'était Bonded by Blood. Moi, je ne sais pas jouer avec Bonded by Blood. Allosé aussi, je pense. Hein. Project to Megadeth. Oui, c'est Project to Megadeth. C'est pas moi qui ai chanté celle-là. C'est Guy. C'est Guy qui a chanté. Guy Kénic. Guy Kénic, oui, effectivement. Oui, Guy de son nom de baptême. Ouais. Fait que Outrage, à l'époque, ça rentrait au poste, en concert, tout ça. Hein? En fait, énormément de concerts. Énormément. On n'en a pas fait énormément. Non. Festival. C'était difficile un peu. Festival Vieux-Port. Ouais, Vieux-Port, Jean-Montréal, quelques endroits. Ça a été un gros highlight, sûrement. Festival Vieux-Port. Oui, définitivement. C'était une belle organisation. Ouais, puis c'était plein. C'était plein. Plein. Il y avait beaucoup de monde. Je peux pas dire si le son était bon, je sais pas. S'ils voient avec d'autres bandes le même soir, je pense que oui. Ouais, mais. Ben, j'ai oublié le nom de ce band-là. Parce que la semaine précédente, c'était notre chum d'Aggression qui avec avait fait le report. Puis eux autres étaient avec Anvil. Ouais. Mais nous, on était avec un band de Montréal. Je me rappelle pas du nom. Je me rappelle juste qu'il jouait du Dio. Ben, il était pas très gentil avec nous autres. Non, il était vraiment pas gentil. C'était Hell's Dagger. Non, je me suis rappelé d'Hell's Dagger. Hell's Dagger, t'as très connu. C'est comme ça. Ça doit même pas être important. C'est comme ça. Non. Mais c'est sûr, pas beaucoup de spectacles, mais certains un peu mémorables. Oui, très intense. Oui, intense et plus dangereux pour certains. Oui. Tu n'avais pas fracassé un instrument? Non, j'ai fracassé le crâne de quelqu'un. Avec mon instrument. Ah oui? Fracasser le crâne, c'est beaucoup dire, mais je l'ai assommé. Avec mon instrument. Donc, c'est juste l'inverse. Et c'est là qu'a pris naissance ta propension envers de disséquer des corps. Ça a commencé là, effectivement. C'est intéressant. On vient de découvrir l'origine. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce crâne? Non, ça avait été spécial. Il s'appelait c'était très spécial. Ce spectacle-là s'appelait. Il y avait un band qui ouvrait pour nous autres. Kimo. C'était le Friday Night Horror Show, puis crois-moi que ça a bien parti son nom. Écoute, ça a dégénéré. C'est Denis DeGrushen qui faisait notre son dans la console. Je pense qu'il y avait 800 personnes. C'était monstrueusement gros. C'était pacté. C'était comme l'événement là, à Trois-Rivières de l'année. Johnny était notre gérant. Johnny Hart était notre gérant à l'époque. Puis, tu sais, à un moment donné, moi, j'étais curieux de vouloir le voir. Il y a tout du monde qui attend. Tu sais, je m'en vais vers l'entrée de la salle, tu sais, pour voir s'il y avait un peu de monde qui attendait. Puis là, je commence à voir le monde qui s'échauffait pas mal, puis que, tu sais, je les entends, ben, qui, blablabla, tu sais. Là, Johnny, mais voir, autour de là, toi, je veux pas qu'il te voie, tu sais. C'est pas du stylette que ça, là. Non, t'as pas d'affaire à aller là, tu gardes des fêtes surprises jusqu'à la fin. Ah, ok, c'est correct. Mais il y avait vraiment, Alain avait raison, il y avait vraiment beaucoup de monde. Ouais, je me rappelle même, je sortais avec une fille dans le temps, tu sais, puis les filles qui étaient à la voix, hey, c'est toi la blonde du charisme. Elle, elle a dit non, je suis son frère. Lélé était stupéfaite. Ouais. Quelqu'un m'aurait compté ça, vous aussi. Ouais, mais tu sais, c'était comme. Ça aussi, c'était surréaliste. On s'attendait pas à ça. On pratiquait beaucoup, beaucoup. On faisait beaucoup de local en vue des enregistrements. On axait beaucoup sur le studio, nous autres. Ouais. C'était ça notre trip. Je dis pas qu'on aimait pas jouer live, mais notre trip, ouais, c'était vraiment de sortir des bons enregistrements pour magasiner. L'aspect visuel, par exemple, était très important pour nous, ouais, autres, parce que, tu sais, on avait, un peu comme Judas Priest, on avait pratiqué des, sans dire des chorégraphies, là, mais on avait des trucs préparés à l'avance. On était un des premiers à utiliser la pyrotechnie, ouais, de façon c'est assez impressionnante. Dangereuse. J'avais un crew à l'époque, Dieu a son âme, il est fidèle aujourd'hui, son nom était Fido. C'était un punk avec un marron qui avait peut-être un punk qui s'appelle Fido. Oui. D'accord. Oui, oui. Son surnom. Avec, écoute, c'était impressionnant. Je sais pas comment il faisait tenir son marron, mais il devait avoir un bon pied de haut. Là. Puis c'était lui qui s'occupait de la pyrotechnie, mais c'était improvisé. Ouais. Moi, je savais pas ça. Fait qu'on a été un peu les cobayes par moment. C'était même dangereux, comme je dis, parce que j'avais des Q, il fallait que je sois à une certaine place. Puis quand tu es dans un show, tu es là, le son est jamais bon sur scène, premièrement. Hein. Fait que moi, je m'organisais tout le temps pour regarder la main droite de mon batteur sur le snare pour, ouais, savoir où j'étais rendu, okay, parce qu'on s'entendait pas sur scène. Ouais. Malgré les side fields. Des fois, j'oubliais mon cue, puis écoute, là, des fois, les colonnes de feu partaient à droite à côté de moi, puis c'était comme, oh, je l'avais oublié, celle-là. Là. Bon, moi, ça, j'ai fini pour passer au feu à un moment donné, là, ouais, puis je me rappellerai que Jordan m'avait dit, t'as changé de face et de couleur. Ouais, des bouts, je n'osais même plus bouger, là, parce que je savais pas qu'est-ce qui allait exploser à telle place. Ben, lui, c'est vrai. Il fait ça au hasard, incroyable. Ben oui, c'est peu de spectacles, mais des spectacles qui ont certains comme Sasquatch, Denis Sasquatch Bard Aggression, il s'en rappelle d'un, ça fait dernier horror show, là, il s'en rappelle. Ouais. Je crois qu'il va s'en rappeler à vie. Ouais. En passant, tu sais, ben oui, salut Denis. Aggression, c'était vraiment des chums, eux autres. Right. Vraiment, on était proches, puis c'était vraiment des gars super cool. Vraiment super, super cool. Parce que malgré le fait que, tu sais, il y avait de l'effervescence dans le milieu, mais il y avait beaucoup, beaucoup de compétition. Beaucoup de compétition et souvent malsaine et pas trippante. Beaucoup de, même de sabotage. Et avec Aggression, c'était le contraire. Ouais. Il y avait beaucoup d'entraide et c'était vraiment cool. Ouais, mais il y avait une franche amitié. Oh. Les gars étaient eux-mêmes, c'était des gens qui étaient très, ouais, très, très modestes. Mm-hmm. Talentueux, mais modeste. Ouais. Puis drôle. Drôle, puis friendly, puis ouais, il manquait pas une shot. Quand Johnny venait nous voir à Trois-Rivières, qu'on allait chez Johnny à Montréal, il manquait pas une shot d'être là, d'être présent. Évidemment, ça virait toujours en party. C'était des fois démesuré. Puis pauvre Johnny qui a dit en voir toutes les couleurs avec ses deux bandes-là. Il faut s'ennuyer. Johnny, ça se paraît comme si il manageait une hybride de Montréal puis des Rolling Stones. On était des kids, on n'était pas des toxicomanes ou des alcooliques, on était juste des kids, tu sais, de sortir d'adolescence, début de l'âge adulte, qui s'éclatait. Fait le party, moi, je faisais tout le temps. C'est ça. Mais pas de temps. Moi, j'étais un gars plutôt tranquille, tu sais, c'est moi qui écrivais les paroles pour Outrage. Et moi, j'étais le gars qui passait sa semaine à lire. J'étais un gros lecteur. Un gros lecteur vorace. Fait que, tu sais, je les ingrédients de bière. Mais j'étais plutôt tranquille. Je pratiquais beaucoup ma guitare aussi. Puis, mais c'est sûr que le vendredi soir, samedi soir, ça revirait en party. Il y avait toujours des chums qui venaient voir pratiquer, qui avaient une mauvaise influence sur nous autres. Puis on avait, tu sais, décidé, bon, ce soir, pratique privée, sérieuse, un vendredi. Ça durait 10 minutes. Ça finissait en show. Fait que, tu sais, quand tu disais qu'on donnait pas tant de show pour ça, on donnait des centaines. Mais c'est ça, tu sais, quand t'as 17-18 ans, ben t'es pas mal party, hein, t'sais. On était comme des petits lémis. Oui. Dernière question, comme ça. Après tous ces beaux souvenirs et tous ces, les enregistrements que vous avez conservés, tout ça, et la sortie imminente du vinyle, qu'est-ce que ça vous fait de voir sortir ça, genre 30 ans plus tard, un vinyle de Outrage? je vais faire une parenthèse initialement, si tu me le permets, c'est que je remercie Patrick Martin d'avoir contacté Alain initialement pour faire la broche. Alain m'a après ça ramené ça vers moi. Parce que moi j'ai rien. Ben, finalement, on s'est aperçu que tu avais plus de stock que tu pensais. Ben, Au brisket, là, ouais. Brisket, moi, finalement, j'avais beaucoup de choses, mais musicalement, j'avais rien. Mais Patrick, on a pris contact ensemble, puis on s'est rapidement bien entendu parce que c'est vraiment un chic type. Vraiment un chic type qui est de Trois-Rivières initialement, d'ailleurs. Ouais. Avec qui j'ai eu une franche entente rapide quand on s'est vu. Je leur remercie d'avoir pensé à sortir ça. Moi, pour tout ça, pour dire que ce que ça me fait personnellement, je serais menteur de dire que ça me fait pas un petit velours. Il a fallu que je me replonge dans tout ça. Pour faire les artworks de la pochette. Du logo qui tenait à voir l'original, qui était dans un état de décrépitude absolument hallucinante. En fait, j'ai fait des fouilles archéologiques et de reconstitution de campanaires. C'est ce que j'ai fait. On s'était assis ensemble un vendredi soir, on a cherché des photos, on s'est amusé à faire ça. Puis là, ben, écoute, je suis tout refoulé, je fais les stacks à Patrick, j'ai dit, regarde, il se passe de ça, puis toi, moi, je trippe. Demander l'approbation d'Alain avant. Faut savoir qu'il y avait juste Alain et moi qui a été concerté parce que notre batteur de l'époque vit à Fort Lauderdale. Et qu'Alain Deslauriers, Kane, lui j'en ai parlé, il était pas trop, allez-y. Et on a plus de contact avec Nick, le chanteur de l'époque. Fait que, et c'est nous, on a plus de contact avec lui. Donc, moi non plus. Fait qu'on l'a fait ensemble un peu. Puis Alain m'a dit, fais du story. J'ai fait approuver certains trucs, j'ai envoyé ça à Patrick, parce que toi, je suis très cool, on fait ça. Oui, c'est flatteur. Parce que je vais rester le plus low profile possible en disant ça. Mais honnête, on était un peu des pionniers dans le genre au Québec avec les Aggression, les Soothsayer, les Voivod, l'Arcsotard, tout ça. Cette émergence de groupe métal plus extrême pour l'époque, bien sûr. Oui. Avec des concepts qui étaient... nous autres, on misait beaucoup sur le visuel, le concept, les choses. Alain est un gars qui s'est influencé énormément par ses grandes lectures qu'il fait encore beaucoup avec H.P. Lovecraft, Poe et compagnie. Des classiques du fantastique de l'horreur qui venaient faire interagir avec une musique qui principalement composait. Moi, principalement mon rôle au niveau d'Autry, c'était de faire le fou, de faire la cave sur une scène, de détruire les autres, mais de faire des arrangements. Ouais, okay, c'était un peu ma force, ça, les arrangements. Alain et moi, on travaillait souvent à ce niveau-là pour les bridges, ces choses-là, les breakdowns, des trucs comme ça. Mais ça allait composer majoritairement à peu près tout. Après, dans la dernière année où Alain Deslauriers s'est joint, Kane s'est joué avec nous, Alain était aussi une bonne machine à composition, donc les deux sont amusés beaucoup ensemble. D'ailleurs, ils ont été ensemble dans Chronicle par la suite. Ouais. Mais c'est le fun. Mais tu sais, je vais être franc avec toi, Tower. Ça fait... Le groupe s'est séparé en 87. Fait que ça fait 30 ans. Il y a 30 ans, j'avais pas la même optique que j'ai aujourd'hui de la musique. Je ne voulais faire que cela. Aujourd'hui, j'aime encore faire de la musique à l'occasion avec mes potes. Mais... j'ai plus la même optique du tout. Je préfère la diffuser, je préfère l'écouter, je préfère la vivre différemment. L'analyser. Parfois, la bûcher. La disséquer. Aussi. Oui. C'est le terme est approprié. Dissection. Oui. Mais tu sais, Patrick, il m'a dit, écoute, faire le lancement, puis pensez-moi quelque chose. Il n'y a rien qui va se commettre là-dessus. Regarde. Des fois, c'est peut-être mieux de ne pas déterrer les choses mortes. Ouais. Si on les déterre, c'est peut-être mieux de ne pas ouvrir le sarcophage. Fait que, on va laisser ça comme ça. Avec ceux qui en ont un souvenir, espérons que ce soit un beau souvenir. Ceux qui n'auront pas pu avoir les pièces à l'époque parce qu'ils ont été distribués soit sous forme de démo ou simplement pas du tout, ou à part les deux compilations, ben, ils auront le loisir de les avoir à titre d'archives s'ils le veulent, mais dans un format un peu remasterisé avec un présentation graphique différente aussi, puis avec un objet qui est hors de tout doute, un objet qui est beaucoup plus intéressant qu'un MP3 ou un CD, un vinyle. Mm-hmm. C'est ce que j'ai entendu. Ou une cassette TDK. Oui, TDK, une 60, pas de 90. Là, je vous ai menti en passant, c'était pas la dernière intervention. Tantôt, il m'en restait une pour le mot de la fin. Parce qu'on va entendre une pièce d'Outrage, des mots 1985, c'est. Dans mon tête de manette, c'est. Ouais, c'est 1985. Vous avez choisi celle-là parce que. On sent qu'on s'appelait. Oui. C'est pas concerté. Oui. Oui. Ouais, Alain et le doc ont choisi la même chanson. Pour moi, c'est tout simplement la meilleure. C'est ce qu'on a fait de meilleur. Ouais. C'est la plus conceptuelle, c'est la plus élaborée, c'est la plus progressive par moment. En fait, c'est une pièce qui contient plusieurs facettes. C'est une pièce qui contient à l'égard même plusieurs styles. Dans une homogénéité quasi, selon moi, parfaite. Et c'est en grande partie à Alain, on la doit, cette pièce-là, au niveau des paroles musicalement. Ouais. Puis moi, c'était clair que je voulais que ce soit celle-là qui soit diffusée parce qu'elle représente bien ce que Outrage aurait pu devenir d'après moi. Ouais. Ouais. Et un très long solo de guitare, gracieuseté de... C'est de moi, c'est moi. Ouais, oui. Oui. Oui, d'accord. Oui. OK. On s'en va entendre cette pièce à The Mountains of Madness, Outrage. Est-ce une version Underground Québec Radio ou on revient avec le mot de la fin? Yeah. so delighted to see you again. I want you there. De retour au Archibald de Trois-Rivières pour ce Metal for Breakfast avec le Dr. Pendragon, le Rockmaster et Lefebvre. Metal for Breakfast, c'est tellement long qu'il est rendu ma supper. Ouais, c'est ça, on a même dépassé le dinner, puis on observe que la plupart des terriens qui nous entouraient sont partis. Hein. Je sais pas si on fout qu'on a pris la photo avec les pochettes comme Hey, Morbid Tales, Seven Churches, Ringing Blood, Show Mercy. Hey, c'est pas mal, c'était satanique dans ce temps-là. Ouais, effectivement. Hein? Puis il y a beaucoup de personnes qui ont préservé cette conception-là, là, que le métal est encore. Diabolique. Foncièrement, principalement. Diabolique, comme oui, une perversion de l'art. Ouais. Et nous, ben, tout ce qu'on se soucie finalement, c'est d'être filmé. On ne s'étend jamais la tête. La grosse tête d'Orniane là-bas, il y a peut-être une caméra là-dedans. Ouais. C'est pas le Pink Panther, son affaire. Ouais. C'est alors, musicalement, qu'est-ce qu'on a entendu? Outrage, avec At the Mountains of Madness, c'est ouais. 1985. Ouais. Pièce inspirée lyriquement de H.P. Lovecraft, je me trompe ouais, pas. Oui, H.P. Lovecraft. Ouais. Ouais. Les montagnes hallucinées. Oui, c'est en fait, c'est ma nouvelle préférée de Lovecraft. C'était tiré de... d'une histoire qui a été publiée dans The Weird Tales de la fin des années 20, début 30. Moi, j'étais un gros fan de Lovecraft. Ouais. Surtout Lovecraft, parce que j'étais jeune et j'étais un lecteur vorace. Je faisais une cinquantaine de livres par année. J'étais tout le temps en train de lire. Quand j'étais ado, alors ça a beaucoup influencé les textes que j'amenais d'entre eux. J'ai comme le Doc aussi, lui, est plus un cinéphile. Ben, il y a aussi cet aspect-là qui transparaît dans les musiques. Ouais. C'était vraiment purement entertainment, mais du côté fantastique et horreur. Mm-hmm. Ouais. Pièce qu'on va retrouver dans cette compilation Buried Pieces, ouais, qui va paraître incessamment ces jours prochains. Je ne peux pas te donner la date, Tower, exactement, non. Mais je crois que c'est. Ouais. Je sais que Patrick m'a dit qu'il y avait eu un problème avec le presseur, okay. Initialement, avec qui il devait faire affaire, et qu'il a dû se rabattre en République tchèque pour le faire. Donc, ça a causé ce délai-là. Pièce qui, initialement, était sur le démo Devastation. Devastation, oui. Deuxième démo qu'on avait enregistré avec Régent Bouchard. Régent Bouchard. Oui. C'était aussi le guitariste à l'époque de Richard Seguin. Okay. Et un véritable chic type, ce Régent. Il a un très bon soundman. C'est un gars qui ne faisait pas de métal et qui a compris ce qu'on voulait avoir assez rapidement. Donc, ça avait été de deux belles expériences avec lui. Deux et trois, même. Hein? Un peu plus que ça dans mon cas, parce que avec Chronicle et Sovereign, par la suite, j'ai toujours travaillé avec Régent. Qui était vraiment très sympathique. Très professionnel, fantastique. Et à l'écoute. À l'écoute vraiment des besoins des artistes. Je veux dire, comment tu veux que ça sonne? Écoute, c'était renommé à l'époque que... On sonnait particulièrement bien parce que Monty Connor lui-même me l'a dit, est venu au local ici à Trois-Rivières. Ouais. Il me disait à quel point il était épaté par la qualité de nos démos, de son et notre musique. Ouais. C'est quand même quelque chose. Monty Connor qui part de New York et qui vient ici à Trois-Rivières. Ouais. Le même gars qui a signé je ne sais pas combien de bands légendaires est venu ici à Trois-Rivières pour. Signé. Il était venu avec Johnny Hart. Johnny Hart nous avait dit, les gars, quelqu'un qui tient absolument à nous voir va partir de loin. Donc, cette date-là, soyez prêts, on va vous voir. Puis arrive avec Monty Connor, Roadrunner. Ça, c'était-tu avant ou après le World War III? Parce que tu l'avais revu au World War III. Je l'avais rencontré pour la première fois au World War III. Ah, d'accord. Ok. Ouais. Ça avait été une après-midi fantastique. Ça avait été vraiment le fun. Un dimanche après-midi. Ouais. Nico d'Aggression était là aussi. Puis Monty avait dit, wow, you guys are awesome and very loud. On jouait tellement fort en local là, que j'ai perdu 3 dB dans mon oreille gauche avec le temps. Parce que je jouais à l'extrême droite. Okay. C'est quoi ça mur de mon show là? Tout le monde sans s'exagérer, on devait être un des bands les plus louds de l'époque. Tellement fort. Notre drummer, Chris Luc. Était un amalgame. Chris Lode, hein? Oui, effectivement. Drôle de nom. Oui, tout à fait. Ça fait Bourne. Drôle de gars aussi. un amalgame entre John Bonham, Phil Taylor, puis. Oui, à peu près. Avec un niveau technique qui qui avouait des Lombardo, bon. Là. C'était un bûcheur, là. Tight. J'avais des maillots, j'étais gros comme ça, là. Il frappait extrêmement fort en plus. Et il jouait très, très, très vite. Et malgré le fait qu'il frappait très fort, il y avait un tamas. On l'entendait à peine, on voyait les morceaux de baguette et les morceaux de cymbales voler. On était tellement puis fort. Puis on l'entendait à peine. Mais oui. Alain passait son temps à me dire « Baisse-toi, baisse-toi. » Oui, ouais. oui, j'allais au Marshall puis je faisais semblant de toucher le bouton. Ça fait fort. Hein, c'était tellement c'était fort. C'était incroyablement fort. On avait un local, le plus beau local probablement qu'on ait, beau étant relatif, disons, adéquat. C'est un bunker. Oui. Il était dans le fond d'une espèce de chat d'ébénisterie avec une vitrerie. Bref, c'était dans le fond d'un raccourci dans une cour. Et il y avait un stationnement qui était à l'extérieur. Puis on avait, on le disait tout à l'heure, souvent des amis qui venaient nous voir pratiquer les fins de semaine. On se ramassait des chauves-souris au deuxième. Oui, les chauves-souris au deuxième. Souvent, on se ramassait des 30-40 personnes dans le local là, la fin de semaine. Ah, ouais. Puis on jouait tellement fort que le monde sortait. Il n'était pas capable de rester plus que 10-15 minutes. Ah, il sortait, ouais. Il allait prendre un break 10 minutes. Il rentrait, il sortait, prendre un autre break. Puis là, on s'en rendait pas compte, mais quand on finissait notre pratique, on mettait tous les marshals au stand-by. Puis là, on était là, on se parlait, mais on mimait parce qu'on entendait aucun son. Tout ce qu'on entendait, c'était. En plus, c'était normal pour nous autres, tu sais. Mais j'en ai payé le prix, moi, personnellement. Ah oui. Mais tout ça pour dire que c'est cool que le vinyle sorte, surtout en vinyle. Hein? Oui. C'est disponible en précommande aux dernières nouvelles encore. Oui. Via le Backstore. Vous pouvez aller sur la page Facebook du Backstore pour plus d'informations à ce niveau-là. Puis, écoutez, je voudrais vous remercier infiniment de vous être présenté ici au festival du reggae de Bourgogne. Au moins, c'est du reggaeton. Oui, c'est ça. Mais moi, c'est nous autres qui te remercie d'avoir pris le temps de recevoir la subversion, d'être venu nous voir à Trois-Rivières. Quoi, c'est vraiment un chic. On a toujours du plaisir de pouvoir échanger avec toi, que ce soit dans un cadre tout autre que celui professionnel ou peu importe. On the record. Oui, ben, tout à fait, exactement. Puis écoute, t'as un beau concept d'émission, il est super cool. J'espère que tu vas faire encore longtemps. Puis j'apprécie beaucoup ton ouverture. Ton ouverture musicale d'esprit. Puis tes publicités. Moi, les événements, les vieux shows de Sherbrooke avec Jim Corcoran. Oui, mais j'aime aussi beaucoup tes publicités de Mignon ou de la Bat 50. Ouais. Ou les Skaters. Ben oui, ça c'est encore, c'est tout à fait délectant. En tout cas, Alain, toujours un plaisir de t'écouter un classique avec le Doc. Puis merci d'avoir partagé ces beaux souvenirs avec Outrage. Puis votre véhicule, votre chronique et tout ça. Et puis, que dire d'autre? On continue de vous écouter à Rock Classic tous les vendredis de 11h à 17h sur les ondes de C'est fou, disponible en podcast sur les sites rockclassic.net et aussi pour Réanimation qui revient à l'automne. Oui, il y a les capsules qui sortent de façon sporadique sur réanimationad.com. Des podcasts sont disponibles également. Oui, des rétro-podcasts. Puis, en tout cas, il y a du contenu en masse là-dessus à explorer. Puis, pour nous, on est en vacances, on revient le 14 juillet. C'est pas vrai. Non? Au moment où ça va être diffusé, on est le 14 juillet pour les auditeurs. Alors, auditeurs, on revient le 21 juillet pour un autre épisode de subversion. Alors, d'ici là, soyez prudents sur les routes et keep it metal! Yeah!